et bienvenue à Geekery entre amis, un podcast sur le jeu vidéo animé par Anbi Gaming et moi-même, Katless. Si vous nous écoutez sur une base régulière, vous avez remarqué qu'on apprécie beaucoup Dead by Daylight. Puis on profite donc du 3e anniversaire du jeu pour vous présenter un hors-série avec une invitée spéciale que je laisse te présenter. Allô? Allô? Allô? Ça va bien? C'est Lance Girl, comment ça va? Ben moi ça va super bien et toi, Anbi? Aussi. Ouais, moi, et bonjour tout le monde! Et tout le monde, ben oui! Bon, fait qu'on est content de t'avoir avec nous, donc on va se douter par là que tu aimes beaucoup le jeu. Ben oui, à vrai dire, je joue très régulièrement avec vous deux. Oh. Ben ouais! Oui, mais on aime beaucoup le jeu tous les trois, je crois. Oui! Donc, donc on trouvait ça comme assez naturel, là, puis de faire en série. Je sais pas si on devrait y aller. C'est-tu du brag de dire le nombre d'heures qu'on a dans le jeu? Ça, le nombre d'heures qu'on a dans le jeu? T'es sûr que tu vas aller là? T'en as pas beaucoup, toi? Non, je sais. Moi, moi j'en ai... là, je suis rendue quoi? À 50, 60 environ? Mais Caro, elle a 500, 600? 627. 600, puis moi, j'étais à 250 heures. Ben, c'est pas mal le jeu que je joue tout le temps, puis pour ceux qui suivent le podcast, vous êtes comme un peu au courant, j'ai toujours un petit spécial, une petite chronique, en lien avec une nouveauté du jeu, un nouveau personnage, nouvelle map, nouvelles habilités, puis là, j'étais bien contente quand j'ai vu leur vidéo pour le 3e anniversaire, je me suis dit, oh oh oh, c'est notre moment de gloire, on va faire un spécial Dead by Daylight, fait que je suis vraiment heureuse. Oui, puis aussi, ben ça permet de voir... dans le fond, moi, j'ai commencé un petit peu sur le tard à jouer aux jeux influencés par certaines personnes qu'on ne nommera pas, qui sont présentes. Mais, fait que, dans le fond, vous allez avoir, tu sais, l'opinion de quelqu'un peut-être qui commence dans le jeu, quelqu'un qui suit le jeu depuis très longtemps, quelqu'un, je sais pas, on va dire intermédiaire ou peu importe. Mm-hmm. Donc, ça va être assez intéressant. Donc, on va faire un petit retour, là. On parlait du 3e anniversaire du jeu. Oui. En fait, c'était le 31 mai dernier, Behavior a fait un spécial 3 heures, dans le fond, pour souligner les 3 ans du jeu. Puis ça a été diffusé, il est présent sur YouTube, ouais. Dans le fond, parce que là, on va être en rediffusion, mais il a été présenté, mais je pense que c'était en live. Oui, c'était en direct. Oui, hein. Donc, c'est ça. Puis, puis c'est vraiment bien fait, tu sais. Il y a des sections coupées avec un band... Un groupe de musique présent. Oui, après ça, il y a des chroniques de différents employés. Il y a aussi des streamers qui sont exclusifs Dead by Daylight qui viennent parler un petit peu. Mais ce qui était bien aussi, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont été chercher des gens qui étaient peut-être un peu moins, ben, pas moins connus dans les gens qui connaissent pas les trucs en ligne, là, mais par exemple, sur YouTube, il y a souvent des vidéos populaires là, de Dead by Daylight en dessin animé. Ben, ils ont demandé à ces personnes-là de faire une petite chronique pour eux, pour expliquer depuis quand ils font ça. Même, j'ai vu une cosplayeuse il y avait des hommes et des femmes, je veux dire, il y avait plusieurs personnes. Ils ont vraiment... en tout cas, j'ai trouvé ça excessivement inclusif. Oui. J'ai trouvé ça aussi très naturel. Tu sais, c'était pas... des fois, peut-être on est habitué à des présentations hyper léchées, mettons, du E3, puis qui c'est peut-être un petit peu moins... tu sais, on s'identifie peut-être un petit peu moins, ou je sais pas trop. Oui, mais est-ce qu'ils vont comme juste directement au contenu de... Puis qu'est-ce qui se passe, là? C'est pas comme une célébration, là? Ouais, ben c'est ça, tandis que c'est leur spécial anniversaire était très divertissant, puis très, je veux dire, c'est plaisant, là. Vous n'allez pas vous ennuyer, puis vous allez vraiment apprendre, puis découvrir sur l'environnement du jeu, fait que c'est vraiment, on recommande de le regarder, en fait. C'est sûr que là, justement, nous, on va en discuter aujourd'hui, donc si vous allez le regarder, vous allez pouvoir également avoir votre propre opinion sur ce qui a été dit, puis avoir des compléments d'informations, parce que on s'entend qu'on peut pas reprendre 3 heures de contenu dans notre spécial hors-série, donc c'est ça, fait que on va y aller avec un sujet qui, moi, je trouve, est très important. Bon, en tout cas, que personnellement, j'attends énormément. Je sais pas c'est quoi votre opinion sur ça, mais si on parle des serveurs dédiés... Depuis décembre, on attend ça, je te dirais. Depuis qu'on a la confirmation. vraiment dis... dès qu'on a eu comme le oui, on va avoir des serveurs dédiés, on a tout un peu capoté là. Ben ça fait trois ans que le jeu existe, puis il faut toujours dépendre de la connexion du tueur avec qui on joue. Je trouve qu'après 3 ans, c'est une bonne idée de d'en faire. Ils sont populaires, on s'entend, ils sont sur toutes les consoles, sont partout. Je pense qu'ils ont la capacité d'avoir leur propre serveur pour faire en sorte que on dépende pas de quelqu'un d'autre, puis qu'on dépende de la compagnie du jeu lui-même là. En effet, ouais, parce que dès qu'on a eu la confirmation, tout le monde a vraiment était vraiment content parce que justement, comme tu dis, je sais pas où est-ce que je m'en vais avec ça. J'avais une idée dans la tête, puis je l'ai vraiment perdue. Ben, je vais juste enchaîner un petit peu en soulignant que peut-être pour les gens qui sont pas au courant nécessairement, comment ça fonctionne Dead by Daylight, c'est qu'on est une équipe de 3 survivants. 4! Puis, 4! mon Dieu, excusez! 4 survivants, Seigneur! Puis on est jumelés avec un tueur, puis dans le fond, c'est le tueur qui a le fardeau d'avoir une connexion Internet. Mais tu sais, si pour X raison, le tueur, il est en sans fil, il est en tir, peu importe, ben là, t'as 4 joueurs qui se retrouvent, ben pas pénalisés, mais qui se retrouvent moi, comme... Moi, je serais pénalisé. Ben ouais, pénalisé sur un jeu de lag. Fait que, tu sais, exemple, mettons, moi qui a une grosse connexion, puis que je suis content d'avoir une grosse connexion, mais tu sais, je peux même pas profiter d'un jeu à 100% avec mes capacités à moi parce que je dépends d'un tueur. Puis, tu sais, est-ce que c'est fair que ce soit tout le temps le tueur? Tu sais, pourquoi c'était pas automatiquement la personne avec un meilleur ping, tu sais, qui hostait? Mais je pense que c'est pas juste ça non plus. Je pense que c'est le fait aussi que c'est un jeu de précision. Quand t'es sur une génératrice, tu dois à la seconde près pour avoir un parfait appuyé sur espace. Quand c'est le temps de décrocher des alliés, des crochets, en tout cas. Il est, là, ben, pour c'est soigner ça, les gens. Puis là, le tueur s'en vient. Puis aussi, peut-être pour les gens qui le savent pas, qu'est-ce que ça fait quand le tueur a pas une bonne connexion? Ça fait que quand il s'approche de toi, ton jeu, il arrête, il reprend, t'avances, t'occupes, tu glisses. Tu téléportes. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, là, ça nous permet de savoir. Tu sais, moi, quand je me mets à bugger comme ça, ben, je sais que le tueur est à côté, là. Là, je suis comme, bon, OK, là, on est vraiment dans un close range parce qu'il se rapproche. Puis aussi, ben, quand on voit que la connexion est pas assez bonne, ben, tu sais, on se déconnecte, puis on cherche, on attend un autre tueur. Fait que là, le tueur qui se retrouve, il se retrouve lui aussi pénalisé, parce que là, il y a de la misère à faire son matchmaking, parce que sa connexion est pas assez haute, parce que tout le monde l'abandonne. Ouais. Fait que, par contre, c'est un peu dommage. Je tiens à les remercier d'une nouveauté de cette année, c'est que quand, admettons, tout le monde déconnecte, on perd pas automatiquement, ou quand le tueur déconnecte. Dans le temps, on perdait tout. Là, on perd pas nos points, puis en plus, on perd pas notre item. Je pense qu'on perd, par exemple, ben, notre objet, mais je pense qu'on perd le pouvoir qu'on ajoute, admettons, pour donner des pourcentages de plus, mais rendu là, c'est déjà mieux qu'avant. Puis ça, je tiens à les remercier, là, parce que ça me fâchait, là! Je perds une goutte à cause de vous, là! Ma goutte! Mais aussi, ce que j'avais remarqué, qui m'est déjà arrivé, c'est que, dans le fond, quand on déconnectait, ça me donnait... ça disait que j'avais gagné, dans le fond. Oui. Fait que c'est au moins... parce que des fois, ça fait juste déconnecter, puis je perds pas mes choses. Mais c'est ça. Mais des fois, ça me donne... Ça me dit, dans le fond, que j'ai gagné. Fait que dans le fond, j'ai un win, mais j'ai pas de points. Donc, tu sais, au moins, c'est plus neutre. Mm-hmm. Mais tu sais, clairement, ça démontre qu'ils sont au courant. Oh oui! Qu'ils savent. Honnêtement, qu'ils essayent. Je pense que c'est une compagnie qui écoute le plus, là, les gens, là. Ils ont refait justement une vidéo que je vous ai envoyée hier, je crois. Toutes les nouveautés, ils écoutent les gens, comme le nouveau personnage Ghostface. On trouve qu'il est pas assez fort, il est pas assez. Il est déjà plus bas que les autres. Ben, ils ont écouté, puis ils vont regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus. Puis ça, j'adore ça. C'est une compagnie vraiment à l'écoute, comme tu dis, puis c'est un gros plus aussi. Ouais, cette vidéo-là va aussi se retrouver dans la description là, pour ceux qui vont nous écouter au pire sur lecatlas.com. Là, vous allez avoir les liens directs parce que je sais que des fois, les liens ne se transmettent pas si vous nous écoutez sur Spotify ou ailleurs. Là, petite parenthèse, là, dépendamment où ce que vous nous écoutez. Là. Donc, vous allez tout le temps avoir toute l'info complète sur lecatlas.com qui est comme l'hébergeur. Là. Donc, c'est ça. Fait que je pense qu'on s'entend pour dire tous les trois que... On est vraiment contente des serveurs dédiés, puis on s'est juste, tu sais, on a juste hâte que ça soit effectif. Là. Oui, puis en parlant de serveurs dédiés, il faut aussi dire qu'ils ont ajouté le cross-server, le cross-platform. On se demande s'ils vont ajouter le cross-server, c'est-à-dire, parce que là, Dead by Daylight va être sur Switch, sur mobile, qu'on a annoncé. Est-ce que vous pensez qu'ils vont justement faire en sorte qu'on puisse avoir que ça va être, ben moi j'appelle ça cross-platform, là, dans le fond? Est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir être... disons que tout est sur Switch, moi sur mobile, puis Lost Girl sur PC. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir jouer ensemble à long terme? Ils en ont pas encore vraiment parlé, mais... Je sais pas, mais ce serait vraiment plaisant parce que... Pour le monde qui me connaisse, puis ben vous aussi, vous le savez, David, qui est mon chum, et moi, on aime tous les deux vraiment le jeu, mais on est tout le temps comme un peu en train de... en guerre pour savoir c'est qui va jouer à soir avec la gang. Fait que, tu sais, ce serait vraiment le fun si, exemple, je peux me connecter sur la Switch, puis David est à l'ordi, ou l'inverse, ou en tout cas, bref. Et, tu sais, on peut jouer toute la gang ensemble, ce serait vraiment le fun, mais... Ouais. Je pense qu'avec les serveurs qui viennent juste de sortir, de mettre ça cross-platform, ben, je sais pas si c'est comme compliqué pour eux, mais, tu sais, si on vient juste d'avoir les serveurs, je suis pas sûre qu'ils vont mettre cross-platform tout de suite, ou encore, je sais même pas si c'est dans les plans tout court. OK. Ben, aussi, ce que je remarque, c'est que les serveurs dédiés, tu sais, ils traînent un petit peu de la patte. Fait que peut-être qu'ils sont en train de travailler sur ça pour, tu sais, que ça soit tout en même temps. Parce que aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça serait plaisant d'être capable de jouer avec tout le monde, peu importe son support, on va dire, tu sais, la Switch, le PlayStation, le cellulaire, le Xbox, le PC. Mais ça serait aussi le fun de, exemple, tu sais, moi je joue tout le temps sur PC pour X raisons, mais là je suis en déplacement, puis je peux continuer, tu sais, je peux garder mes personnages sur ma Switch. T'sais. Avec un compte principal. Ouais, je sais que Warframe travaille sur ça présentement. Puis Warframe, c'est un MMO science-fiction qui est très long à faire parce qu'il faut que tu grind énormément. Puis, fait que tu sais, quand tu passes plusieurs heures à juste te faire un arme ou tout ça, ben, comme nous à Dead by Daylight avec nos niveaux, ben, c'est sûr que c'est intéressant de dire, Colin, je peux aller continuer tout ça. Parce que tu sais, on s'entend que je pense pas que quelqu'un va se procurer Dead by Daylight sur cellulaire pour y jouer exclusivement cellulaire. Tu sais, moi, je le vois plus comme étant. Un moyen de transport un peu. Ben oui, un dépanneur, tu sais, pour X situation, ou justement, tu sais, Lost Girl qui parle, tu sais, être en couple, fait que là, ça permet de jouer ensemble comme ça, puis tout ça, puis de garder nos choses. Fait que, tu sais, je pense que clairement, l'équipe de Dead by Daylight, ils sont aware de ça, là, ils le savent, puis peut-être qu'ils vont arriver, puis... Parce qu'on a remarqué aussi, tu sais, quand ils sortent quelque chose, souvent, ben, tu sais, tu vois qu'ils ont mis beaucoup d'efforts dessus, puis qu'ils ont travaillé, là. Ils, tu sais, ils sont pas du genre à sortir un jeu, puis d'envoyer une patch après pour régler ben, ça. Ben, il y en a beaucoup, des patchs, parce qu'ils écoutent beaucoup, les gens, faut dire ça aussi. Oui, c'est ça. Parce qu'ils vont ben, c'est des ajouts qu'ils font. Ben, ils font aussi des changements, comme par exemple, je sais que les gens, ils disaient, ah, oh, je trouve que les totems sont pas assez bien cachés. Ils ont mis une nouvelle patch pour que les totems soient mieux cachés. Comme récemment, ils ont aussi travaillé sur les cheveux des personnages parce qu'ils ont changé leur outil de travail, des choses comme ça. Mais il y en a beaucoup, mais c'est toujours pour le mieux, à ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Oui, ils font quand même beaucoup de travail. C'est bon qu'ils écoutent la communauté autant. Pour donner un autre exemple, aux exemples que tu donnais, Caro, je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, avec les palettes, tu pouvais te mettre comme d'un bord, ben exemple, en plein milieu, puis tu cliquais sur « space » pour la faire descendre, puis ça te mettait comme automatiquement d'un bord ou de l'autre. Fait que ça pouvait comme faire des techniques de jeu où est-ce que tu pouvais éviter le tueur plus facilement. Il appelait ça le vacuum, là, où est-ce que ça t'amenait comme d'un bord vraiment rapidement de la palette pour te sauver. Puis tu sais, dès qu'ils ont eu comme ces problèmes-là, ils l'ont tout de suite comme fixé, ils se sont dépêchés à arranger le problème pour que le jeu soit égal pour tout le monde. Là. Oui. Puis t'as totalement raison. Puis un autre exemple rapide aussi, on va en parler plus tard, mais ils ont annoncé justement que Freddy serait recommencé, ses pouvoirs ne seront plus les mêmes. Puis ça, c'est encore une fois parce qu'ils ont écouté la communauté, puis ils ont vu que les gens l'utilisaient moins, les gens trouvaient qu'il était moins fort que les autres, qu'il y avait moins de chances de gagner. Ça, c'est un autre exemple qu'on va pouvoir parler aussi plus tard. En plus, en détail. Mm-hmm. Puis ça nous amène aussi à penser, ils ont également souligné, là, et de que tous les trois mois, ils amènent du nouveau contenu. Oui. Ça, on l'a vu. Puis moi, je me demandais, par exemple, là, ce nouveau contenu-là, est-ce que... parce qu'ils en ont parlé pas mal, puis je me demande si c'est gratuit ou si... Parce qu'on s'entend que de base, Dead by Daylight n'est pas un jeu très coûteux, là. On est loin du 92$ taxes incluses, là, qu'on voit, là, pour les jeux AAA, là. Tu sais, il se détaille à prix courant, là, à 20$, puis il y a des soldes, là, quand même. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, ils vont sortir un tueur avec un nouveau survivant, puis là, on achète ce contenu-là supplémentaire. Fait que c'est normal d'entretenir un jeu et de vendre du contenu. On est loin d'autres compagnies qu'on nommera pas. c'est ça, mais je me demande, est-ce que les nouveaux contenus aux trois mois, c'est des contenus qui vont être exclusivement payants? Moi, je pense que oui, selon moi, parce qu'à chaque fois qu'ils ont des nouveautés, ça vient en paquet. Normalement, il y a un tueur, souvent un survivant qui vient avec et une nouvelle carte. Par contre, je tiens à dire qu'ils ont parlé de nouvelles cartes qui sont déjà existantes et qui vont être retravaillées. Ceux-là devraient être gratuits, mais d'après moi, toutes les nouveautés vont être payantes. Mais habituellement, quand ils sortent un chapitre, parce qu'eux, ils travaillent sous forme de chapitre. Oui. Quand ils en sortent un nouveau, ils vont vraiment expliquer comme l'histoire et tout ça. C'est vrai, c'est bien travaillé. Oui, et tu sais, c'est pas juste comme, oh, on vous donne un nouveau tueur, un nouveau survivant, faites ce que vous voulez avec. Ils donnent vraiment comme un background, puis une raison de pourquoi ils sont là. Dans le jeu, pourquoi ils ont été pris par l'entité. Mais c'est tout le temps payant, évidemment, parce qu'il faut qu'ils trouvent une façon d'entretenir le jeu. Ouais. Puis de continuer à comme, faire de l'argent avec. Mais je crois pas que c'est des prix de fou non plus. Hein. C'est très abordable. C'est ça. Je suis d'accord, mais j'aimerais juste souligner comme moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup le cosmétique. Puis honnêtement, là, j'achèterais beaucoup plus de cosmétiques dans le magasin si c'était moins cher. Parce que je trouve que les prix cosmétiques me rappellent un peu ce qu'on voit dans World of Warcraft, là. Donc, tu sais, dans le sens que, mettons, tu sais, il y a des cheveux qui m'intéressaient, puis tu sais, juste des cheveux, là. Fait qu'on s'entend que c'est totalement inutile, puis c'est juste comme funky un petit peu, puis que t'es comme juste « Oh yeah, j'ai des nouveaux cheveux sur mon bonhomme, puis j'ai du fun ». C'était quand même 6$. Oui, ben, c'est vrai. Juste pour des cheveux. Mais ben, normalement, c'est 5$, mais t'as tout ton paquet au complet, là. Pour 5$. Non, si je voulais. Non, c'est 10$. Si je voulais. C'est 10$ pour au complet. Mais faut pas oublier non plus que le trois quarts des choses s'ajoutent avec l'argent du jeu. Puis. Oui, mais tu sais, moi, je suis pas très talentueuse dans ce jeu, disons. Tu parles financièrement. Donc, ouais, donc moi, là, l'argent, la vraie argent conventionnelle, là, c'est comme mon seule option. Fait que je me retrouve à avoir des personnages que je trouve un petit peu drabes, un petit peu... parce que, comme je dis, pour moi, c'est important, là. Ça dépend de nos valeurs personnelles, etc. Puis c'est pas négatif, tu sais. C'est pas du tout négatif. Je trouve que le prix de leur chapitre, il est très... il est très bien. Je parle pas de ça du tout. C'est bien abordable pour jouer avec le personnage. Ouais, c'est juste que pour moi qui aime un aspect cosmétique, puis qui va honnêtement me faire jouer plus au jeu, parce que, mettons, j'ai personnalisé mon personnage, puis j'aime ça, puis j'ai un attachement avec, fait que je vais jouer avec. Vu que je suis quelqu'un comme ça, ben si les prix cosmétiques seraient diminués de moitié, j'en achèterais plus. Je comprends que tu sais, je mettrais le même montant d'argent, mais j'aurais plus de trucs, puis je serais deux fois plus satisfaite, puis je serais prête à franchir le pas, tu sais. Mais, puis c'est pas une question, mettons, que j'ai pas de moyens financiers ou rien, c'est que je me dis, Colin, je veux-tu vraiment payer 5$ pour des cheveux, tu sais, c'est comme... Fait que c'est comme un petit peu la psychologie derrière, puis c'est pas du tout... puis comme je dis, c'est tellement pas nécessaire, puis c'est tellement juste un petit bonus, que je dis pas ça du tout contre la compagnie ou comme le magasin. Comme j'ai mentionné, World of Warcraft va le faire également, ça va être 20$ pour un pet là, qui te suit, puis tout ça. C'est un modèle qu'on voit, puis tu sais, dans le sens que les gens qui veulent le pet à 20$ vont le payer, puis ils vont être heureux, mais ça brime pas personne d'autre. Mais peut-être aussi, comme tu dis, s'ils descendent le prix, il y aurait encore plus de gens qui voudraient participer à avoir des personnages variés, à acheter des nouveaux objets. Parce qu'honnêtement, si je l'avais à moitié prix, comme tu dis, hein, même si tu dis « Ah, oh, je mettrais le même montant », peut-être j'en mettrais un peu plus. Ben, c'est ça, parce que là, tu sais, t'as les cheveux, puis là, t'es content, fait que là, tu veux racheter une autre affaire. Ben, c'est ça, puis tu sais, des fois, il y a été une période aussi où je jouais avec des gens, puis là, tout le monde était comme, OK, on prend toute Claudette avec son habit de barista, puis... Ben, elle avait un habit de barista, puis... ben, en tout cas, elle avait un habit blanc avec un tablier vert qui sonnait vraiment Starbucks. Fait que là, tout le monde était comme, ah, ah, ah, on est tous des employés du Starbucks. Tu sais, bref. Ça, puis c'est quand même intéressant, mettons. C'est sûr que là, on est quand même tous les trois sur Twitch. Fait que ça fait quand même du contenu un petit peu funky, puis que les spectateurs aiment voir aussi. Tu commences à faire un petit peu de role-playing avec ton Dead by Daylight. Là, ben, des surtout fois. Qu'ils ont ajouté aussi les nouvelles quêtes reliées à Twitch. Tu peux maintenant relier ton compte Twitch avec Dead by Daylight, puis ils font des petites compétitions, lequel qui est dans le top, je pense que c'est top 100 ou quelque chose, ou 10. Oui, ben ça, je l'ai fait, mais... Là, mais... ben, je l'ai fait, ça, mais compte tenu de mon niveau et tout, honnêtement, il y a... Ah, bref, j'aime pas garder. sinon, on parlait aussi tantôt du travail sur le visuel de certaines cartes. Mm-hmm. Donc, si on veut y aller plus en détail, je sais pas si vous avez plus d'explications là, sur quelles cartes vont être travaillées, pourquoi. Ben, la première... Moi, juste avant... Excusez de... Oui? Moi, juste avant de continuer, j'aimerais savoir... je suis curieuse de savoir, à vrai dire, dans les cosmétiques, c'est quoi votre cosmétique préférée? Ah, oh, le nouveau de Jeff. Le nouveau de Jeff? Mais toi, Caro, t'es quelqu'un qui aime vraiment Jeff, vraiment. Oh, je pense que c'est mon nouveau personnage où est-ce que j'étais en amour. Normalement, j'étais Meg. Après, j'ai tombé en amour avec Claudette, puis maintenant, je suis Jeff. Puis j'adore ses pouvoirs, ses compétences. Je le trouve un peu grand, par exemple, dans l'écran. J'étais habituée de jouer avec des petits personnages, mais je l'adore, oui. Toi, Catherine, c'est quoi ton cosmétique préféré? Mon cosmétique... préféré, honnêtement, j'ai plus... moi, j'aime beaucoup Feng Min, puis elle a un visuel que j'ai pas... elle a comme un visuel un petit peu plus, je sais pas comment dire, Tokyo, là, ou je sais pas comment, j'ai pas le nom... C'est-tu un qui est sorti comme pendant l'événement lunaire? Non. Ah. Puis, je sais, je pense que tu parles de la belle grande robe. Oui, exactement, c'est celle-là qui est comme ça, c'est beau. Oui, c'est ça. Mais non, moi, c'est comme des cheveux plus courts, fluo, okay, puis elle a plein de vêtements funky, là, Tokyo. Mais je pense que c'est comme écrit Tokyo, je sais pas, en tout cas. Je pense que, mais c'est ça, moi, c'est plus dans cette optique-là, mais tu sais, je me souviens... comme quand Caro a joué avec Jeff, mais avec un skin qui, moi, me rappelle The Crow, là. Oui. Tout le monde, dans Map, quand on joue avec des gens qui sont pas nos amis en vocal, mettons, ils sont convaincus que c'est le tueur. Puis là, ils s'en vont, tu sais. Puis là, ils pensent que le tueur vient vraiment, là, comme faire la Jeff. Guys, je viens vous aider! Ouais, puis je pense que ça y fait un peu trop de fun. Mais tu sais, justement, tu sais, quand je dis qu'il y a un impact sur le cosmétique, c'est ça. Puis, c'est... le skin que tu parles, justement, t'es tellement flash que le tueur peut te voir de loin, mais t'as payé pour ça parce que tu l'aimes, mais t'es comme... t'es à moins... Ah oui, moi, ça me dérange pas! Ça l'influence beaucoup aussi, ton gameplay. Ouais, comme le chandail rouge de Meg, là, on le voyait de loin. Ouais, là. Ouais. C'est mais, personnellement, si vous me laissez donner mon opinion, évidemment, j'ai deux cosmétiques qui sont préférés. Premièrement, celui-là de Nia, que vous savez que c'est ma nouvelle main. Oui. Que c'est mon amour éternel, Nia, je l'aime tellement. C'est le skin, justement, un peu comme asiatique, je crois, qui est sorti pour l'événement lunaire. Quand elle a des cheveux comme rose, court, avec un petit toupette, puis un masque dans le visage, les grands pantalons comme bouffi. C'est cute. Celui-là. Puis mon deuxième préféré, c'est même pas un de survivant, c'est un de tueur. Ah. Vous savez que quand je joue tueur, je joue notre ami le Spectre, Bing Bong Boy. son cosmétique qui ont sorti pour Halloween, qui est comme une chandelle, un genre une chandelle qui fond ou qui a une chandelle sur la tête. Ils sont tellement beaux, leurs skins. Là. Les skins tueur sont incroyables et je les trouve vraiment beaux. Beaucoup de skins de tueur, je les trouve vraiment beaux. Ils sont vraiment originaux, hein? Originaux. Vraiment, vraiment. Mais est-ce que, par rapport à ça, parlant de skins de tueur, est-ce que vous pensez que Je sais que Myers est comme un original, mais est-ce que vous pensez qu'il devrait avoir des skins? Comme Freddy aussi, je crois qu'il n'y a pas d'autres skins que son original. Ben, je pense pas qu'il va en avoir. Ouais. Parce que je vais donner un autre exemple. Est-ce que vous pensez qu'il devrait en avoir? Je pense qu'à certains points, ça doit être avec l'entente qu'ils ont eue avec la personne, parce que Build de Left 4 Dead n'en a pas non plus, puis qui est un survivant. Ah, c'est vrai. Mais tu sais, comme Ash, il y en a des skins. Oui, puis chaque skin représente une saison de sa série. OK, fait que c'est vraiment comme par rapport à la saison. Moi, parce que les seuls que j'ai vus qui avaient des skins jusqu'à maintenant, c'est, je pense, c'est sous-entente. Je vais vous spoiler un peu en avance, mais c'est les OG. Celui avec Ghostface, il paraît qu'il y aurait des skins, puis on s'entend que lui aussi, c'est une licence. Okay. Ça, ça doit dépendre des ententes. Mais est-ce que ça va être genre le skin du film Scary Movie, ben film de peur, tu sais, ou est-ce que comme voisin? Ben, si vous regardez dans notre petit document, j'ai mis à la fin justement un lien si vous voulez voir lesquels qu'il y avait. Puis il y en a un, admettons, qui ressemble un peu d'un petit diable. Il y en a qui c'est avec des couleurs comme des trucs bleus dans son vêtement. Ah oui, ben oui, regardons ça. Ouais. J'avais pas ouvert le lien avant. Mais c'est plus comme des changements de couleurs sur son skin original. Ben, on va parler plus tard, petit diable. Est-ce que vous voulez en parler plus tard ou... Oui, on va en parler au pire quand on va reparler de Ghostface un peu, si on a le temps à la fin. Parfait. J'aimerais aussi souligner, juste pour terminer, sur le vu qu'on parlait des cosmétiques, la spirit que j'aime beaucoup, elle a un skin d'écolière avec une perruque, là, puis je suis pas fan. Mais je l'adore! Tu l'aimes pas? Je suis pas sûre. Je trouve ça comme... On dirait que ça l'accroche un peu. Je trouve ça drôle. Puis un autre que j'ai aimé aussi avec les tueurs, c'est le nouveau clown. Celui qui est comme un clown italien, je pense qu'il appelle, ou quelque chose dans le temps. Avec comme le nez comme pointu. Là. Oui, il fait vraiment peur. Là, on dirait une grosse marionnette. Ils sortent vraiment beaucoup de skins. Sauf que je trouve qu'est-ce qui est dommage, c'est qu'ils sortent beaucoup de skins pour les mêmes personnages. Je sais pas si vous l'avez remarqué, excusez, mon chat est en train de faire ses griffes sur la chaise. Puis je viens de le voir qu'on l'a vraiment entendu sur comme l'image. Il est en forme. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'ils sont vraiment des skins pour les mêmes personnages. Vous savez que, tu sais, Claudette est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de skins. Ouais. Comparé à exemple Laurie ou. J'ai pas les. À exemple Ace. Ace, là, c'est un personnage qu'on n'entend presque jamais parler. Puis il n'y a vraiment pas beaucoup de skins. Avec le nombre de personnes qui les jouent, avec leurs statistiques. Oh, ben je pense que oui. Là, c'est comme la Huntress, là. Elle en a beaucoup des skins, puis c'est une des plus populaires. Comme May dans Overwatch. May dans Overwatch, là, elle a tellement de skins. Tout le temps. Mais May. Elle est pas très populaire. Je cherchais dans ma tête, c'était qui May. J'étais comme, voyons, c'est qui avec la glace, là. La petite neige. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Elle et Diva aussi, elle en a vraiment beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais j'imagine que, tu sais, comme Catherine a dit, qu'il se fie sur le nombre de personnes qui les jouent. C'est juste que je trouve que c'est dommage parce que, justement, c'est fou comment un skin peut faire la différence sur qui tu vas jouer ou comment tu vas jouer quelqu'un. Ouais. Mais, tu sais, si justement ces personnages-là avaient plus de skins, est-ce que plus de monde les jouerait? Moi, je pense que c'est peut-être avec les habilités. Parce que, honnêtement, ses habilités m'intéressent zéro, là. Non, c'est sûr. C'est sûr que je comprends pour pourquoi. Jake. Ouais. Mais je pense que aussi, comme tu prends quelqu'un qui joue le Huntress tout le temps, ben, tu sais, je comprends que la personne est contente d'avoir un skin, puisque là, ça change la routine, puis ça met juste du nouveau. Ah, là. C'est ça, tu te sens cool quand t'as un beau skill. Mm-hmm. Ben, c'est ça. Puis après ça, ben, tu sais. Quand tu rejoues, puis là, t'es comme, ah, il y en a un nouveau, bon, mais tu l'essayes. Donc, je pense que c'est une question de se renouveler, parce que c'est sûr que, par exemple, s'ils se mettraient à en faire de façon équitable et générale, peut-être que ça ferait une diversité, tu sais, peut-être que les gens y essayeraient d'autres personnages à cause de ça, mais je pense que ça serait pas autant gagnant, comme Caro vient de dire, tu sais, hey, ça a le beau l'aimer, mais elle aime pas ses habiletés, ouais. Donc elle joue pas, même si elle le trouve beau, puis qu'elle veut, tu sais, qu'il l'intéresse. Je trouve badass. Ben, c'est ça, tu sais, mais si le gameplay te plaît pas, ben, c'est pas des skins ou c'est pas autre chose qui va te faire y jouer, tu sais. Fait que je pense qu'il essaie de se baser, là, sur ça. Ben, je vais donner un autre exemple. Dans le cas inverse, écoute, je sais que t'adores Nia. Mais moi, on dirait que c'est pas ma main à moi, mais je l'ai joué. J'ai quand même monté ses niveaux parce que son skill, dans le fond, j'adorais Invasion urbaine pour pouvoir marcher rapidement comme penché, sans faire de traces. Ouais. Fait que même si, visuellement, c'était pas quelque chose à moi qui m'intéressait à 100%, j'adorais certains de ses skills, certaines de ses habiletés, donc je l'ai quand même monté pour cette raison-là. Mm-hmm. Ouais, ben c'est ça, mais tu l'as peut-être pas fait en priorité maintenant. Ben, quand j'ai su que ce skills-là existait, puis j'ai vu tout le monde utiliser, puis j'étais jalouse, là, je l'ai monté. Là, je l'ai monté à 100%. Ouais, bon, c'est ça. Mais, comme tu dis, à première vue, quand j'ai commencé à jouer, j'ai tout de suite commencé avec Meg. Mais il faut dire que j'avais pas tous les personnages non plus, Nia n'existait pas encore. Très souvent, on commence tous avec, exemple, Claudette ou mm-hmm. Meg, parce que justement, leurs perks sont très faciles à utiliser et faciles à comprendre. Tu cours vite ou tu te soignes. Exactement, ouais. c'était pas mal ça. Puis c'est bien parce que c'est bon qu'ils commencent avec du monde aussi facile, parce que si c'était trop compliqué, le monde il décrocherait vraiment rapidement. Ce que j'aime aussi, c'est que les capacités, les primordiales, ceux-là qui sont les plus populaires, c'est souvent avec des personnages qui sont gratuits aussi. Ouais. C'est quelque chose que je trouve bien. Puis de toute façon, avec les points de jeu, une fois par semaine, on peut aller acheter des capacités dans l'arbre de je sais plus quoi, là, dans la boutique. Donc, en plus de pouvoir avoir le choix de monter tes personnages, tu peux acheter une capacité même si tu n'as pas acheté le personnage. Ça, c'est bien. Ouais, mais il faut que tu le check souvent. Oui. Oui, c'est ça, une fois par semaine, parce que sinon, tu peux manquer des habiletés qui seraient vraiment très... très intéressante. Oh que oui. Si vous avez assez de points. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Grindez vos points pour avoir des habiletés cool. Puis justement, je pense qu'ils ont parlé que la fin de semaine, je crois que c'est du 14 qu'ils disaient, du 14 au 16, ils vont faire un événement spécial avec les Blood Points, c'est ce que j'ai compris. Donc, c'est le temps, les gens. Yes. Ouais, ben c'est ça. Quand il va avoir, ben je pense qu'il y a souvent j'allais dire des festivals de points ou des affaires comme ça. T'sais, des événements. Il y a comme des événements mis en place là. Fait que c'est toujours bien de tu sais, une partie c'est assez rapide aussi. Tu sais, faire une partie t'es pas, ça te bloque pas deux heures dans ta journée là. Donc. Si tu fais camper. Mais d'habitude ça termine pas mal vite même. Ouais. C'est parce qu'à la dernière fois, il nous a toutes laissées à terre. Là, j'étais comme... Faites quoi? Ouais, il nous a... Ouais. Ouais, on a eu une partie où on a tous été mis à terre, puis la personne, elle attendait qu'on meure de notre sang. Donc, c'était long. Mais c'est ça. Donc, mais tu sais, de façon générale, là, tu sais, faire une partie ou quelque chose, c'est ça pas... Ça se fait bien. Ça se fait bien, tu sais, d'y aller une fois par jour ou deux jours, tu sais, un petit truc rapide ou quelque chose. Mm-hmm. C'est aussi un avantage, c'est que je comprends pourquoi ils vont le transposer sur Switch et mobile aussi, tu sais. C'était pas, t'as pas, tu peux te faire juste une petite partie comme ça, là, sur le pouce, mettons. Fait que ça vaut la peine de regarder ces choses-là, puis ces points, puis d'en profiter pour essayer d'augmenter. Aussi, dans la même optique, j'ai découvert récemment que quand tu faisais les tutoriels, ça te donnait énormément de points, donc je les ai faits. Ah, pas vrai? Donc, voilà. Ben oui, j'avais aucune idée, là. Je pense que ça donne 25 000 points. Tu parles-tu des daily? Ah, ouais. Non, c'est vraiment un tutoriel pour te montrer comment jouer le survivant et comment jouer un tueur. Je savais même pas que ça existait. Ben, quand vous ouvrez le jeu, là, ben, c'est comme écrit genre tutoriel. Ouais. Play with friends, tu sais, pis blablabla. Pis c'est vraiment écrit comme une coche écrite. C'est donc ben drôle, je savais même pas. Ouais, fait que là, moi, j'ai pesé sur ça, tu sais, puis là, j'ai fait le tutoriel, mais tu sais, comme il te le dit, ok, là, t'arrives sur la map, tu dois, pour gagner, tu dois faire des générateurs, voici un générateur, répare-le, puis là, après ça, tu sais, plus que ça va, tu sais, t'as des skill check à faire, fait que là, il te montre comment faire le skill check, puis c'est vraiment étape par étape, puis ça aussi pour le tueur, donc... Fait que c'est ça. Puis, ça me donnait 25 000 points. J'étais comme, ah, puis là, il dit, est-ce que tu veux faire le tutoriel du tueur? J'étais comme, ah, ben pour les points, c'est ça. Merci bien. Bon, bien ben, je sûr, sais qu'est-ce ben, que oui, je fais tantôt, hein? Ben, c'est ça. Fait que, puis aussi, ben, honnêtement, ça vaut vraiment la peine parce que moi, j'ai commencé à jouer comme ça avec des amis en vocal qui me disaient « Ah, oh, fais ça, puis tu oublie pas ça. » Mais tu sais, des fois, t'es dans l'action, tu sais, tu comprends peut-être pas nécessairement en tout. C'est stressant. Vite, tout ça. Ouais. Ben, c'est ça, tandis que là, t'es vraiment une étape à la fois, puis t'es vraiment... En mode apprentissage. Ouais, fait que c'est honnêtement, c'est vraiment bien. Moi, je le recommanderais à tout le monde. Mettons, tu sais, que t'achètes le jeu parce que tes amis jouent, puis genre, t'es comme, ah, ok, je vais aller les rejoindre. Mais là, tu sais déjà la base, là. Fait que c'est vraiment bien. Puis aussi, j'ai jamais joué de tueur. Fait que je me suis dit, ah, puis là, je me suis dit, ah, oh, avant d'aller me mettre tueur, je pense que le tutoriel serait une bonne idée. Puis j'ai bien aimé ça. Fait que voilà, petit truc. Je sais pas si on avait fait le tour avec le cosmétique pour enchaîner sur le travail des marques. Après moi, oui. OK, parfait. Donc, c'est ça, comme on a dit, dans le fond, il a été discuté dans le spécial 3 ans que l'équipe allait retravailler des cartes de jeu qui sont déjà, qu'on connaît déjà, là, puis tout ça. Donc, peut-être qu'on va y aller en détail, savoir qu'est-ce qui va être travaillé, puis pourquoi. Pour l'instant, ils ont annoncé celle-là qui s'appelle Badam Preschool à Springwood. Celle-là qui est avec Freddy, dans le fond, l'école primaire. Je sais que moi, ce que j'avais vu dans la présentation, c'est qu'ils allaient retravailler les éclairages parce que, comme je vous disais, ils ont changé aussi leur modèle de travail. Ils ont un nouveau, pas de modèle, mais leur nouvel équipement. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais à cause de ça, ils ont la chance de pouvoir améliorer les graphiques, les cheveux, etc. Donc, ils vont retravailler aussi certaines cartes. Celle-ci va être la première. Ils veulent aussi changer la façon dont les palettes sont disposées, les trucs de... les autos, vraiment tout ce qui est dans la carte parce que quand tu te sauves du méchant, tu fais des points. Quand tu te sauves du tueur, il y a un système de points d'évasion. Donc, en redisposant toute cette carte-là, ça va faire en sorte que vous allez pouvoir gagner plus de points, puis ça va être vraiment pour le mieux, pour l'égalité de tous les personnages. Puis, ils ont parlé juste de cette carte-là? Oui, jusqu'à maintenant. Ils ont pas annoncé les autres encore, okay. C'est la première qu'ils ont parlé, parce qu'ils l'ont annoncé en même temps que du remake du personnage de Freddy. Ah, OK. Fait qu'on peut se dire. Je pense qu'ils ont pris conscience que le look visuel, esthétique du jeu nécessitait de mais comme juste parce qu'avant, travail. Il n'y avait pas non plus les mêmes... Ils n'utilisaient pas les mêmes accessoires de travail, je ne sais plus comment dire, mais ils ont changé leur programme. Ouais. Donc, ils peuvent tout améliorer. Maintenant, ils le font. Mais ce qui est bien aussi, c'est que la carte est souvent changée. Je me souviens qu'avant... Dans une certaine carte, celle avec le sous-sol, il y avait une pièce où est-ce que je pouvais même pas en sortir. Il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien. Tu tombais dans un cul-de-sac. Ben ils ont changé, ils ont fait des modifications, puis je ne la vois plus dans certaines maps, des choses comme ça. Ça, c'est ça que j'aime aussi. Ils voient les gens, comment ils jouent, puis ils s'arrangent en conséquence. Ouais. on revient toujours au même. Ils nous écoutent beaucoup. Puis ça, c'est comme on disait tantôt, sûrement ce retravail-là va être gratuit. Dans le oui, fond. Selon ça moi, oui. Être... Parce qu'il est déjà ouais. là. Puis ils ont dit que de toute façon, en plus, avec Freddy, encore une fois, hier, dans leur vidéo de Q&A, ils ont expliqué que ceux qui avaient déjà Freddy, par exemple, ils ont plus leur perk, des choses comme ça, mais ils vont avoir l'équivalence, ils vont déjà l'avoir débloqué. Comme. Donc, ils ne recommencent pas à zéro non plus. Fait que j'imagine que ça va être la même chose pour les cartes. Ça va être gratuit vu que tu l'as déjà. Mm-hmm. Bon, mais c'est parfait. Ça. Mais moi, je trouve ça intéressant qu'ils... Ils commencent à faire tous ces changements-là pour améliorer leur jeu. Oui. Parce que on le sait que, tu sais, quand on allait à Springwood, on savait tout le temps que, tu sais, il y avait des places que fallait pas que tu ailles parce que c'était pas bien. Tu peux pas bien comme te défendre avec les palettes, comme ils disent. Puis la redisposition des palettes, puis le rework de cette carte-là va vraiment être intéressant. Puis j'ai hâte de voir quel autre. Cartes, ils vont changer. On connaît toutes comme celle de voyons comment ça s'appelle, Décadence. Oh, Décadence. J'espère que celle-là va être changée. Chaque fois qu'on y joue, chaque fois qu'on arrive là, on la déteste. Une chose que j'adorerais, OK? Juste une petite proposition. L'Asile, oui. L'Asile est le fun. Il y a plein de places pour te cacher. Pas dans celle-là de Décadence. Non, tu peux même pas te cacher. C'est pas l'Asile qu'on parle, c'est... voyons, comment ça s'appelle? Ben, tu sais, il y a des hôpitaux partout. Moi, c'est de ça que je parle. L'hôpital, Moi, j'adore l'hôpital. Mais celle-là de Décadence, que je dis, ce que j'aimerais qu'il change, c'est que parce qu'il y a deux étages, si le méchant est en haut, tu l'entends aussi en bas. Fait que ça nous met beaucoup à confusion. Moi, j'aime moins ça. Ben, ça, c'est à cause du radius. Ouais, mais tu sais, je veux dire, il est à l'autre étage. Ça serait bien que ça soit pas comme ça. Moi, je trouve, là. Mais c'est sûr que, tu sais, si, exemple, tu es en train de faire un générateur, puis là, tu entends le cœur vraiment fort, mais que, tu sais, il est au-dessus de toi. Tu le sais pas. Tu le sais pas. C'est pas toi qui est à côté, tu te caches, mais là, t'attends. Je sais pas. Sauf que, si, exemple, on se donne un exemple, là, si t'es pour monter sur l'autre étage ou descendre à l'autre étage, puis que t'entends ce cœur-là, justement, ça peut être une bonne technique. Moi, je pense que ça devrait être sur le même étage. Si tu commences à l'entendre, parce qu'il descend en bas, là, mettons. Non, c'est sûr que si tu veux que... Faudrait que ce soit, comme tu dis, sur le même étage. Ben, tu sais que son radius soit tout autour de lui, pas en haut puis en bas, mettons. Fait que, tu sais, s'il descend, s'il est proche de l'escalier, je sais pas s'ils peuvent le couper, hein? C'est ça, je me demande, vu qu'ils l'ont fait par étage, mais... Je sais pas. Moi, je pense que je préférerais ça. Mais c'est moi, face à ce que je vois, face à ce que j'ai vécu, puis avec ce que je joue, mettons, là, c'est quelque chose qui m'énerve dans cette carte-là, c'est ça que j'aime pas. Puis le fait qu'on puisse pas se cacher ben. Mais je trouve que cette carte-là est trop petite. À défaut d'être comme sur deux étages, elle est trop petite. Ouais. Tu te retrouves très trous, facilement, c'est ça? Quatre tu te retrouves très facilement. Ouais. Comparé à une map, exemple, celle qui est sortie avec Legion, là, qui était dans la neige, là. Oui! Elle est très grande, cette map-là. C'est vrai, moi aussi, je pense que je préfère une plus grande sur le même étage. Puis, c'est sûr que je pense que je suis comme toi, j'aime mieux que ce soit plus grand, plus étendu, ou est-ce que t'as plus comme t'as plus de chances de spotter le tueur au loin, que tu entends justement son cœur quand, exemple, il est au-dessus de toi. Ouais. J'aime mieux ça, j'aime mieux avoir une plus grande map, plus de chances, exemple, de se cacher, de pouvoir avoir des meilleures comme techniques de jeu à une qui est vraiment plus comme petite. Je pense comme toi, moi aussi. Non, mais c'est parfait. Bon. Mais tu sais, je pense que... Mais je sais pas aussi, des fois, là, si ça y va avec notre préférence personnelle ou si on est vraiment dans pas des bugs, mais tu sais, des problèmes de jouabilité, peut-être, tu sais. Ben, ça dépend. Il y a beaucoup d'affaires là-dedans qui sont vraiment sur des préférences personnelles. Sauf que il y a beaucoup, tu sais, pour quelqu'un comme moi, je sais pas si vous faites ça aussi, mais j'adore regarder du monde qui joue à Dead by Daylight. J'adore m'informer sur comment d'autres joueurs jouent. Avoir des exemples, des techniques de jeu. Il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Noob3, ouais. Que vous savez que je l'aime vraiment beaucoup. C'est mon streamer et YouTuber préféré. Et justement, tu sais, avec lui, j'apprends beaucoup comment le jeu marche. J'ai appris beaucoup aussi sur comment, exemple, il y a des techniques de jeu qui existent, comme le 360. Le 360 avant, je connaissais pas ça. Puis je trouve que c'est intéressant de voir les préférences de d'autres joueurs. Parce que, tu sais, ça peut devenir tes préférences à toi aussi si tu sais comment ça marche. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, ça t'aide à voir comment les autres jouent, puis ça peut donner aussi des trucs, là. Hein? Oui, exactement. Je vois ça vraiment comme des trucs, personnellement. Des trucs de jeu que tu peux apprendre quand tu vois des professionnels qui jouent, là. Mm-hmm. Tu sais, comme la personne que je t'ai parlé, Noob, a plus que 5000 heures de jeu, là. Oh oui, je joue beaucoup. C'est ça, puis tu sais, probablement qu'il fait... Tu sais, il fait ça en... j'allais dire mainly, là, tu sais, dans le sens que c'est son contenu principal. Ouais, exactement. C'est ça, tu sais, c'est son contenu principal qu'il fait. Fait que, tu sais, il n'y a pas juste de l'expérience, il y a aussi un intérêt, il y a aussi un talent là-dedans. Puis c'est sûr qu'on regarde ça, puis ça nous aide beaucoup, puis ça nous aide à augmenter notre participation. Tu sais, c'est comme moi, quand j'ai commencé à jouer, ben vu que les gens avec qui je jouais avaient tellement un haut niveau, tu sais, que Prestige 2000 quasiment, là, ben tu sais, moi je me ramassais toujours avec des tueurs très, ben tu sais, vraiment bons, là, tu sais, vraiment hallucinants, là, puis là j'étais comme, ben voyons, je suis pas capable de le semer et tout, puis là quand j'arrive avec des parties avec des gens de mon niveau, ben clairement t'as un tueur de ton niveau aussi, puis là j'étais comme, il est bien mauvais, il m'a pas vu, mais tu sais, mais c'est pas qu'il est mauvais, là, c'est qu'il y a pas comme 1000 heures, puis avec 500 heures dans ce personnage-là, tu sais, qu'est-ce qui est, mais tu sais, quand tu commences un jeu puis que tu vois que tout le monde autour de toi est excessivement bon comme ça, tu te dis, ben voyons, tu sais. Puis là, t'apprécies, tu sais, mais tu sais, chacun a ses... Parce que, tu sais, c'est pas juste le fait non plus de jouer à un jeu X nombre de temps, mais tu sais, c'est si tu joues à un jeu puis que t'as une certaine... facilité avec, là, tu sais, il y a quand même un talent, là, tu sais, il a joué à un jeu, mais il a joué au jeu avec un talent, tu sais, on a toutes nos forces et nos faiblesses, là, personnellement, moi, Dungeon Crawler, je suis pas capable de faire ça, là, genre, je vais faire 100 heures là-dedans, je vais être mauvaise, mais un RPG, ça va être différent, fait c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant, là, à regarder, puis tu sais, ça doit avoir aussi, tu sais, moi personnellement, mes maps, mes cartes préférées sont pas très populaires, tu sais, les gens sont tout le temps comme, ah, j'ai trop de talent, il y a trop de stocks, sont trop grandes, sont trop, puis ça, pour peut-être un gameplay. C'est quelle ta préférée, toi? Ben moi, c'est celle-là avec la plague, la plague, ouais, puis cool. Celle-là avec le spirit. Ah! Donc, celle avec la plague, c'est vrai qu'elle est cool. Puis j'aime aussi celle avec le foin. J'aime ça me cacher dans le foin. Celle avec le foin. Le cornfield, là? Oui, je l'adore. Moi, une que j'aime vraiment... celle-là, elle sort beaucoup. Oh, excuse. Ben j'allais juste dire que, dans le fond, celle-là avec les épis de maïs, ouais. Elle ressort énormément, là. Je pense que c'est la map que j'ai le plus joué. Mais tout le monde l'a gratuitement, celle-là. Ouais, mais je pense qu'il y a vraiment comme un intérêt de base, tu sais, c'est comme la Huntress est très appréciée, il y a un gros nombre de cosplayers qui la font. Mais la map, c'est rare qu'on la choisit. Ouais, c'est vrai que c'est généré souvent très random. Par hasard, ouais. Ah, je pensais que le tueur pouvait générer sa map aussi. Non. Ah oh, non, c'est random parce que le tueur n'a aucun choix, là, c'est ça. Ah, à moins okay. Que tu ben là, c'est... prennes un... Dans tes choix, là, tu sais, quand tu peux choisir des points, ouais. Ben, tu peux aussi choisir ta map à partir de là. C'est, tout dépendant c'est avec l'offrande. Dans ta toile, ouais. Ah oui, moi, j'essaie toujours d'aller y aller pour l'offrande, pour celle-là de la spirit. J'ai jamais vu d'offrande pour... J'ai tout le temps des offrandes pour la spirit, puis l'hôpital. Puis là, je suis comme... Qu'est-ce que tu veux dire, la spirit? La map de la spirit. Ah, OK. La je sais pas le nom, là, désolé. Oh, fait oui. Que, dans le fond, quand tu... Avec le bambou. Quand tu achètes le... C'est ça. Quand tu achètes le chapitre avec la spirit, t'obtiens la spirit, puis t'obtiens une carte qui va... Ben, moi, je dis qu'elle va avec, parce oui, que la spirit, elle a une espèce d'air... Tu sais, c'est comme une espèce de geisha, si on veut, avec un gros sable, là. Fait que... Puis ça vient avec une espèce de carte, on va dire, comme japonaise, avec des maisons japonaises, puis beaucoup, beaucoup de herbes hautes, oui, et beaucoup de... du bambou également, il y a aussi des espèces de temples puis des shrines bouddhistes puis tu sais, plein de choses comme ça. Ouais. Fait que moi je sais pas, on dirait que ça me sécurise, genre j'ai tout le temps plein de petites affaires pour me cacher. Oui, ben aussi, hein, aussi. Donc, fait que tu sais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais il y a quand même des gens qui trouvent ça tannant parce que comme sont comme ah ben je peux pas courir ou tu sais tout ça. Fait que mais c'est ça, puis je la pogne vraiment pas souvent, puis à chaque fois que je vois que je peux aller me chercher une offrande avec ça, j'y vais. Puis c'est pas mal les seuls. Mm-hmm. Mais ouais. Ça s'appelle que c'est quelque chose. Vraiment... Ouais, ben c'est ça là, qui est un peu talent. Souvent, les noms. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est tout en anglais. Là, on fait un podcast en français. Fait que là, on est. En tout cas, les références de mon côté là, pour les noms de cosmétiques, les noms de cartes, puis les noms de personnages, j'ai un petit peu de difficulté pour ça. Là. Ben, donc. Je pense que ça. Honnêtement, les noms, même en anglais puis en français, ça ressemble beaucoup. C'est vraiment okay. Juste un effet de traduction, là, comme... moi, ma carte préférée, c'est la forêt noire. Oh, mon Dieu, ma voix! La forêt noire! Puis en anglais, c'est vraiment juste comme Black Forest, puis Springwood, c'est la même affaire en français puis en anglais, puis Haddonfield. Ouais. Ben! OK, ouais. Ben, peut-être aussi, ben... De toute façon, on est mieux d'y aller en description pour... Mais ouais. Dépendamment de... Ouais. Fait que la carte, là, la spirit, là, ben, c'est ma préférée. La spirit, là! Mais, puis la spirit, puis Plague, c'est mes tueurs préférés aussi, là. Quand j'ai dit, je suis comme, yay! Ah. Ben, Myers. Ah, oh, Myers! Ouais. OK, moi, je suis capote, là! Ouais. Spirit, ouais. Et Myers, là. Moi, je suis là, oh my God, on voit le petit casse, il nous espionne à l'autre bout! Ah, hein, pour vrai, mais Myers, la musique! Oh. Mais la musique, en plus, je suis comme, oh, il me regarde de loin. Mais... Ou quand ce que je déteste, c'est qu'il peut arriver de n'importe où! Puis il t'espionne! Tu ne l'entends jamais! Il t'espionne! Moi, il fait peur, ouais. Là. Puis avec l'autre, ce qui me fait rire, c'est quand tu pars à la course, tu manges un coup de vomi dans le côté de la tête, t'es comme, oh! aussi, ah, mais j'ai joué, là, mais je sais pas si j'avais le cœur sensible cette journée-là. J'étais comme, oh my god, la cancelle vomit partout, là. Je me sentais souillée un peu après. Oh oui. Mais tu sais, je vais préférer ça à Décadence. Ah, moi non plus, je ne traite pas sur celle du cochon. Celle du cochon. Ouais. Ouais, ben la tueuse, elle a une tête de cochon, ouais. Puis. Il y a des comme des cochons accrochés partout, éventrés. Mais c'est pas la sienne, ça. Non? Ben oui, c'est sa map. Ben non. Ben là, c'est des cochons. Ben sa map, c'est celle-là de Factory. Ben c'est ça, c'est celle-là avec deux étages. Non, elle parle des cochons dans l'arbre, dans les arbres, là. Ouais, il y a une map avec... dans les arbres. Ouais. C'est des vaches, pas des cochons. C'est des vaches, t'es... Pour vrai, là, no joke, là, si tu restes à côté... T'es dans ta criée. Pis qu'il y a pas de bruit comme autour de toi là, que ouais, t'as pas comme le cœur du tueur. Ouais. Et t'entends les vaches comme faire. Ouais, c'est vraiment troublant. Oh vache. Oh my god, c'est ok. Pour vrai, la prochaine fois qu'on joue là, t'écouteras. On tu... Ouais, c'est ça. T'écouteras là, tu vas être un peu traumatisé. On lui fera faire une visite guidée tantôt. Exactement. Oh, on va... mon à Dieu. Votre gauche, vous avez du vache numéro 1. Ben. Je dois dire que je joue au jeu à Ultra, puis dans la map, je pense, ben justement, comme tu disais, la Factory, il y a plein comme de cadavres partout, puis au début, je pensais que c'était des dummies, là, tu sais, genre des stuff dummies. Ah, oh, des mannequins. Des mannequins. Ben, tu sais, des mannequins avec genre des plumes dedans, là. Pour faire du genre du RCR, là. Ouais, puis là, après ça, puis comme je dis, je joue au jeu Ultra, puis là, à un moment donné, j'étais vraiment comme crouch, accroupée à côté et tout, puis je regardais, j'étais comme, ah non, je pense que l'objectif, c'était vraiment de mettre des cadavres là. Ouais, c'est des vrais cadavres, c'est des vrais, ben, des vrais, des personnes qui sont les autres... supposées être mortes, là. Ouais, ok, ben c'est ça, ben tu sais, comme moi, je pensais que c'était des mais quoi que, pour ma défense aussi, je tiens à dire, tu sais, quand on joue, on n'en regarde pas nécessairement en détail et tout, non. Mais, mais justement, en parlant de ça, des détails, puis de ça, pour aider, la petite parenthèse, pour aider la communauté cosplay, l'équipe de Dead by Daylight a décidé de produire des, eux autres, ils appellent ça des kits à cosplay, fait que dans le fond, ça va être des hautes résolutions, de tous les personnages, pour que les cosplayers puissent voir comme il faut les détails, puis les couleurs, puis avec des suggestions de tissus. Parce que comme ils savent que... Je vais me rappeler, quand ils écoutent leur monde, là! Ouais, c'est tellement intéressant de faire ça, là, pour vrai. Oui. Parce que des fois... Apprécié. C'est ça, puis je pense qu'il disait aussi qu'elle allait même donner des textures de tissus, ce genre de choses-là. Puis oui. Je trouvais ça tellement intéressant, ouais. Parce que ça peut vraiment amener comme ton cosplay à un autre level. Puis eux, ça leur fait de la publicité gratuite. C'est vrai, ça aussi. Ouais. C'est un bon effet de marketing, parce que justement, quand tu vois des cosplays de Dead by Daylight, exemple, puis tu connais pas ça, puis tu trouves que le cosplay est cool, t'es comme « Ah, c'est quel jeu? » Puis là, c'est l'exemple que les cosplayers parlent, puis ça va faire de la pub, mais ça va vraiment... Je trouve que c'est vraiment le fun pour la personne qui fait le cosplay. Ça donne vraiment... T'as l'impression de vraiment pouvoir faire un travail plus accurate. Ben oui. C'est vraiment super. Là. Moi, je tripe sur ce qu'ils font. Je pense que c'est apprécié de tout le monde d'avoir fait ça. Ah non, c'est sûr. Puis tu sais, comme ils savent, là, ils savent que les y a pas beaucoup de détails, là... tu sais, de la façon que le jeu il est fait, là, fait que là, ils veulent vraiment, tu sais, produire pour dire « Hey, regarde, c'est ça, nous autres, notre vision à nous, est pas retransmise à 100% dans le jeu, donc, regarde, tiens, t'as ça. » Fait que, comme on a dit un million de fois, ils sont vraiment proches de la communauté, puis c'est vraiment intéressant. Puis, je sais pas si on avait fini sur le sujet là, des cartes, mais ouais. Justement, ça va avec l'optimisation du jeu qu'ils ont abordé dans leur spécial, dans le fond. Donc, ils vont rendre le jeu plus beau, ouais. Puis qu'ils vont le faire plus bien rouler sur vos ordinateurs. Donc, on est content. Enfin! Donc, moi, j'ai hâte de voir si ça va mieux rouler. Je sais qu'ils vont faire en sorte que ce soit plus beau. J'ai hâte de voir si... Ils ont dit que le jeu allait être optimisé. OK. On croise les doigts. Tu sais, ils vont travailler l'algorithme de matchmaking, ils vont travailler le visuel, puis tu sais comme ils doivent le savoir que c'est un jeu comme je disais là, tu sais je le roule à ultra puis des fois tu sais c'est ça là. Ouais. Mais oui, puis depuis 3 ans, il y a eu d'autres jeux qui sont arrivés qui ont comme un tu sais, qui ont comme repris leurs recettes. Mm-hmm. Je sais pas si c'était eux les premiers, je dis pas... Tu sais, je veux pas repartir le débat de qui a inventé les Battle Royale non plus, là. Mais, tu sais, dans le sens que il y a d'autres jeux qui sont arrivés avec une recette similaire qui offre un visuel complètement beaucoup plus réaliste puis tout. Fait que, tu sais, je comprends qu'ils veulent travailler le visuel. Je pense qu'ils vont également travailler le fait que que pour faire rouler le jeu bien, mm-hmm. là. Je comprends. Genre, en tout cas, c'était mal dit un peu, là, mais vous autres... y a-t-il des points dans l'optimisation que vous attendez, que vous voulez absolument... Il y en a un que j'attends avec impatience, c'est Nono, là, mais qu'on soit plus obligé de réinviter nos amis à chaque fois qu'on termine une partie. Tellement! Ça, ouais, mais là, je veux juste... je veux juste faire une parenthèse dans le sens que, pour peut-être ceux qui le savent pas, quand tu veux jouer avec des amis, mettons, tu sais, tu vas sur Discord avec tes amis, pis t'es comme « Oh yeah, je vais commencer ma partie », tu dois sélectionner « Jouer avec mes amis », un coup que ça, c'est sélectionné, ça rouvre ton alt-tab de Steam qui te montre tes amis, puis là, tu coches quel ami tu veux inviter. À chaque fois, mais à chaque partie que tu fais. Ouais. Donc, puis c'est tout le temps, à chaque partie que tu fais, tu dois quitter, puis ensuite recommencer le processus toujours. Oh, tu peux pas arriver puis dire, garde, je joue avec mes on est quatre aujourd'hui. On joue toute la soirée, arrête de me le demander! Ouais. Tu sais, c'est ça, tu sais, on s'est vraiment assis à soir, on veut faire ça, mais là, faut toujours quitter, revenir, puis après ça, après chaque partie, souvent, faut rebalancer nos points, faut rebalancer nos offrandes, fait que tu sais, faut tout le temps, bref, fait que tu disais que t'avais hâte, tu t'attendais. Mmh. Puis toi, Anne-Sophie, qu'est-ce que t'attends le plus dans tout ça? Est-ce que selon toi, t'as-tu plus hâte des serveurs dédiés, de l'algorithme de matchmaking ou de jouer avec tes amis? Ben honnêtement, je pense que parce que le matchmaking, je ça me fait pas grand-chose honnêtement. Je pense honnêtement que je le vois pas. Il est déjà correct. Le matchmaking. Là, ouais. Peut-être parce que je joue pas assez, mais je trouve que c'est un matchmaking normal. Là. Pour vrai, ce que j'attends le plus, moi, c'est vraiment les amis là, que tu n'as pas besoin de réinviter à chaque fois. Je trouve que c'est... Ça cause vraiment du long pour rien. Surtout si comme... Ah, oh, t'as-tu reçu mon invitation? Ah oui, t'as pu, je te le renvoie. L'autre n'a pas encore accepté. On est rendu dans telle game de telle personne. Ah, t'es genre... Oh merde, j'ai commencé à jouer puis le monde n'avait pas accepté l'invitation. Ben là, t'es deux qui font des invitations. C'est ça, faut que tu refasses toutes les invitations encore et encore. Puis là, c'est une affaire qui finit plus, puis là, c'est long. Ouais. Puis là, t'es en stream, puis là, t'as l'air nul, puis là, t'es comme... Oh, ouais, exactement, puis c'est vraiment... je trouve que ça cause vraiment un ralentissement de jeu qui sert à rien. Ouais, puis aussi, tu sais, quand, mettons, tu fais un stream... puis que là, il y a des gens dans le chat qui sont comme, ils voient qu'il y a un trou de libre, ils sont comme, hey, je veux joindre. Mais là, il faut que tu ajoutes la personne dans ton Steam personnel. Puis là, il faut que tu l'ajoutes dans. Fait que, tu sais, ça serait le fun d'avoir chacun, mettons, un code ou une façon d'inviter juste dans la game. Tu sais, quand tu joues à un MMO, par exemple, tu veux jouer avec, t'as mais des tu veux amis. Pas être son ami. C'est ça que tu nous dis, là. Ben, non, mais dans le sens, mettons, tu sais, t'as un viewer qui arrive, que lui, il te regarde, mais en même temps, il veut jouer avec toi. Tu sais, c'est quoi la différence entre d'avoir quelqu'un d'aléatoire, tu sais? Bon, fait que tu veux l'ajouter, mais là, t'es obligé de prendre une pause, de commencer à ajouter la personne sur Steam. Là, t'as trouves pas au premier abord, parce que là, elle a un pseudo Steam, puis elle a un nom Steam différent. Puis... Fait que là, faut que tu cherches la personne, c'est que une bonne vous ajoutez. Ben, tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, tu veux jouer avec la personne en Dead by Daylight, mais tu veux pas nécessairement l'avoir dans tes contacts, puis là, pas savoir c'est qui, puis tu sais, moi personnellement, mon Steam, c'est mes amis proches que j'ai dedans, que je vais jouer sur une base régulière, puis des gens que ben c'est ça, puis des gens que tu mets, que tu vois sur un live, puis tout ça, fait que tu sais, souvent, qu'est-ce qui arrive sur des lives de Dead by Daylight que moi j'ai été, les gens sont comme, ah non, je fais juste l'aléatoire, ou ah non, tu sais, je joue avec mes gens, tu sais. Puis, parce que là, à un moment donné, ça vient lourd parce que, tu sais, tu dois ouvrir... Tu dois avoir une liste d'amis qui finit plus à un moment donné, là. Ouais. Puis, ben, tu rentres dans ton jeu, puis t'es comme, ah, c'est qui cette personne-là? Pourquoi je l'ai dans mon ami? Souvent, ils changent leur nom. C'est ça. Ouais. Puis là, ben, tu sais, t'as pas non plus la photo, tu sais, c'est pas, exemple, Facebook ou ce que t'as une photo de ton visage ou peu importe. C'est normal aussi, là, je recommande pas ça non plus. Fait que, tu sais, t'as vraiment rien. Puis, ben, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, quelqu'un que tu rencontres aléatoire sur ton live, est-ce que tu vas prendre la peine de l'ajouter à Misteam, d'y mettre un surnom pour y dire personne aléatoire du stream telle date? Tu sais, tu vas-tu commencer à mettre ça, à le classer pas dans tes préférés, tu sais? À un moment donné, c'est de la gestion que je me dis, tu sais, tu pourrais ajouter quelqu'un avec un identifiant Dead by Daylight facilement. Je sais pas. Mais tu sais, peut-être, tu sais, je suis pas mal certain qu'ils ont pensé à ça, mais tu sais, clairement, c'est pas dans le calendrier des priorités, c'est peut-être pas tu sais, en premier pour eux. Puis, tu sais, je sais que aussi eux, ils parlaient que c'était important pour eux quand ils faisaient le matchmaking que de mettre des gens qui sont géographiquement proches dans les mêmes équipes. Sûrement pour les lags aussi, peut-être. Les connexions internet. Peut-être pour les lags, puis peut-être aussi pour la langue, je sais pas. Tu sais, se dire, ah, oh, mais tu sais, t'as pris une Québécois ensemble, ouais, on va les faire jouer ensemble. Ouais, moi aussi. Fait que je le sais pas. Ben, honnêtement, je pense que présentement, le matchmaking doit se faire, tu sais, Amérique du Nord, Europe, tu sais, etc. Mais là, il disait qu'il voulait travailler beaucoup, beaucoup sur la géographie, là. Tu sais, comme, mettons, toi, tu demeures à Trois-Rivières, ben, tu sais, tout le temps en team avec des gens de Trois-Rivières. Mettons qu'il y en a assez. Sauf que tu vas souvent jouer avec le même monde. Ouais, je pense qu'eux autres, ils voyaient ça comme un avantage ou je sais pas quoi, mais ils disaient aussi qu'il allait balancer, tu sais, qu'il fallait toi qu'ils gardent un ballon avec ça. Mais tu sais, ça, je pense qu'on est rendu à un niveau que comme nous, simples joueurs, on n'est pas... Parce que tu sais, honnêtement, moi, quand je joue, est-ce que de savoir que la personne, elle vient de Montréal ou qu'elle vient de New York, ça me fait une différence? Non, je tu veux juste qu'il soit bon! Ouais, ben non, tu veux juste qu'il campe pas! Tu veux que ton allié vienne te sauver quand t'es sur des crochets puis qu'il fasse pas juste déjeuner. On veut bien des enfants, je pense. ou qu'il cherche pas une gênée pendant 8h15, qu'est-ce qui est mon... que le monde joue comme nous, on voudrait qu'il joue, puis qu'il... Teamwork. C'est ça. Le but de Dead by Daylight, premier, c'est teamwork. Ouais. Genre, sauve-moi les crochets, je vais venir te sauver. Mais le nombre de fois où est-ce que c'est arrivé où est-ce que genre on quelqu'un venait pas nous sauver puis que là on tombait en struggle puis que là il essaie de s'en venir puis que c'est il est comme à l'autre bout de la map, perdu toutes tes chances, c'est ça. Tu te refais toucher une fois, tu meurs. Non, c'est ça. C'est pas tout le temps fair. Non, le vraiment monde, comment qu'il joue, puis je trouve que c'est poche des fois parce que le monde avec qui tu joues peuvent tellement être mauvais que ça te fait perdre des points, que ça te fait perdre une game. Ouais. Ben, c'est ça qui fait en sorte, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, on regarde des jeux comme League of Legends puis Overwatch que les gens commencent à verbaliser beaucoup de frustration par rapport à la toxicité des joueurs. Ouais. C'est des choses comme ça. Il y a tout le temps, quand tu joues avec des inconnus ou peu importe, tu vas tout le temps avoir des gens qui vont avoir une façon de jouer pas adéquate. Puis là, ça monte la frustration. Puis Dead by Daylight fonctionne quand même avec un système de points, donc c'est quand même compétitif. C'est sûr que on est loin de jeux qui ont cette réputation-là, c'est sûr, mais. Tu sais, ça nous arrive d'en avoir, là, des gens qui vont camper. Ils se rendent pas service parce qu'ils font pas de points. Ils nous rendent pas service parce qu'ils nous empêchent de faire des points. Ça sert à quoi, tu sais? Du côté des survivants, je tiens aussi à chialer ceux qui se déconnectent la première fois qu'ils se font prendre par un tueur. Ça, là, du côté des survivants aussi, ça se voit. Ça, là, pour vrai, là, c'est insultant. Je comprends pas pourquoi le bouton disconnect existe. Non, ils ferment juste leur jeu! Mais ouais. Même encore. Ben non, parce que tu peux faire comme exit puis quitter la partie, là. Ah, oh, j'ai jamais vu ça. Je savais même pas. Ouais, quand tu fais, exemple, le escape. T'as raison, sur ton ça clavier, devrait même pas être là. Il y a une option qui est quitter la partie. Je savais qu'on pouvait voir ce qu'on avait mis comme objet, mais je savais pas qu'on pouvait voir ça. Je trouve juste ça décevant que, genre, des survivants pénalisent d'autres survivants. Et le tueur. Ouais. Et le tueur aussi, il veut jouer comme il faut, là. C'est ça. Ou encore même que... Tu sais, je trouve ça dommage que... Exemple aussi, des tueurs pénalisent des survivants. Parce que quand le tueur disconnecte, tu perds ton offrande, là. tu perds tout. Ben non, je veux dire, tes points, tu peux pas en faire plus, mettons. Mais c'est ça, puis tu peux pas faire quand même points, à souligner. C'est décevant. Mais je tiens quand même à souligner que des fois, il y a des gens qui vont déconnecter juste parce qu'ils ont perdu leur Internet aussi, ou tu sais, ben, des fois, ils ont un problème d'ordinateur. Cette semaine, ça me l'a fait. Salarié. Je jouais, ça l'a fait à Xello, puis ça l'a fait à Francis. On se fait mettre tout le crochet, puis on déconnecte, puis on est comme, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que je sais pas si c'est un bug actuel, mais il y en a qui legit déconnectent, par exemple. Oui, oui, oui, c'est sûr, c'est un comportement toxique qu'on connaît, là, qu'on a été confronté à, mais je tiens quand même à dire que c'est de l'informatique, que t'sais, ça arrive des fois que. Oui, c'est ça, mais ça... t'es capable de voir la différence, par exemple. Oh. Une... Tu le sens, non, c'est là, ça, dans le gameplay. Tu le sais, là. Exemple que. Ouais. Parce que tout le monde aime pas comme Legion, là. Mais beaucoup de fois, ça m'est arrivé où est-ce que quelqu'un qui jouait Legion, le tueur c'était Legion, l'équipe au complet a disconnecté. J'étais comme. Hey, ça va être le fun comme game, hein? Mais ce que j'aime, par contre, maintenant, quand t'es le dernier survivant, t'as une chance de t'en sortir. Avant, c'était trop difficile, là. Là, maintenant, t'as accès, au moins, si tout le monde déconnecte, OK, tu cours à trappe, t'essaies de te sauver, sinon t'ouvres une porte. Avant, c'était une perte de temps. Puis la trappe, elle est déjà ouverte, puis là, elle est là, puis elle chante, puis elle est comme... J'aimais mieux mon imitation. Mais ça, c'est vraiment bien, parce que au moins, comme tu dis, si tout le monde déconnecte, t'es pas mal pris à 100%. Par contre, tu fais beaucoup moins de points. Tu peux pas sauver des gens sur des crochets. Tu peux pas, tu sais, ton entraide, là, montre pas beaucoup. Mais tu peux t'en sortir. Mais ça, avant, il y avait pas cette option-là. Je trouve ça bien pensé. Oh, je suis bien d'accord. Mm. Je suis très d'accord. Mais merci. ouais, non, je suis d'accord aussi. Ben merci à ceux qui ont pensé de faire ce changement. Nous sommes très Sinon, aussi, avez-vous remarqué, ils ont parlé aussi des archives, archives. Qu'est-ce qu'il va avoir comme nouvelle option dans Dead by Daylight cette année? J'ai rien compris. Je vais être honnête, là. Moi non plus. OK. Ben, tu sais, je trouvais ça intéressant parce que comme ça va comme débarrer comme un truc qui me rappelait une vibe RPG puis tout. Puis là, il expliquait ça, puis j'étais genre, mais voyons. Dans le fond, c'est vraiment easy, c'est vraiment cool. Tu vas avoir un endroit spécial où est-ce que tu vas avoir des quêtes à faire? Tu sais, comme on a des daily rituals. Sauf que là, ça va être des quêtes tout dépendant qu'est-ce que tu veux choisir, si t'es méchant ou si t'es gentil. Puis pour chaque personnage que tu vas faire ces quêtes, tu vas pouvoir débloquer du lore qu'on appelle, c'est-à-dire des courtes vidéos qui vont avoir été faites sur la vie du survivant ou du tueur. Moi, je trouve ça c'est bizarre. C'est encore plus comme de backstory, je pense. Oui, c'est ça, t'as des petits défis. Mais puis il va y avoir aussi des skins, à ce que j'ai compris, qui vont être comme exclusifs aux archives. Mm-hmm. Fait que sérieux, là, ça, j'ai hâte, c'est un gros plus qu'ils ont ajouté. Ça sera pas juste... Oui, tu sais, je veux dire, moi, j'étais tout le temps contente d'avoir mon daily, là. Le daily, c'est-à-dire le rituel journalier. Sauf qu'une fois, il est fait, il est fait. Puis des fois, c'est pour certains personnages que je ne joue même pas, que je veux pas jouer. Tandis que là, tu vas avoir ton choix. Ça me tente-tu aujourd'hui d'ajouter, d'avancer ce personnage-là ou pas? Tu vas vraiment, il monte, c'est comme des chemins différents, un peu comme la toile. Fait que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment parce que j'aime ça. Moi, à chaque fois que j'ajoute mon personnage, là, je lis son petit backstory, sa petite histoire. Là, je vais pouvoir le voir visuellement, puis c'est un petit plus pour les joueurs aussi. Moi, je trouve ça vraiment cool. Pis, ouais, ça va être plus intéressant aussi parce que personnellement, moi, je le lis pas. Je lis pas, non. Puis je trouve que ça va être vraiment plus intéressant de le voir. Ça va être plus comme entertaining. Ça, tu vas l'écouter, par exemple. Ouais, vraiment. Donc là, l'objectif, dans le fond, les archives, on va participer à ça pour... il y a le contenu, dans le fond, de l'histoire puis de la mise en place pour l'immersion du jeu, mais il va également avoir du cosmétique qu'on va pouvoir aller cumuler avec ça. Je sais pas à quel point, par exemple. Moi, je sais que pour les vidéos, oui, ça, je le sais, mais pour le reste, je suis pas vraiment certaine. Je peux pas m'avancer à 100% là-dessus, mais comme sans même Sophie dit, peut-être, il me semble qu'il en avait parlé, mais je sais pas jusqu'à quel point, là. Mais je suis certaine pour les courtes vidéos qu'ils vont faire sur les survivants et le tueur. Puis comme juste, ça va rapporter aussi du plus à ce jeu-là, parce que on adore les rituels, mais là, on va pouvoir en faire plus. Puis comme je dis, pas des rituels, des rituels, ouais. Mais là, on va avoir plus de défis, puis c'est comme, en plus d'essayer de survivre, t'essaies de faire quelques trucs de plus pour avoir un but, pas juste pour des points, puis t'es comme, too bad. Ben non, puis c'est fun parce que ça va enfin donner un nouveau souffle. C'est ça, un nouveau souffle au jeu parce que le monde commençait vraiment à être vocal sur le fait qu'ils trouvent que le jeu est vraiment rendu redondant. Oui, puis pas juste ça. Ce qu'ils ont dit aussi, c'est qu'est-ce que ça sert d'être top 1? T'as rien, t'as juste... Sur Steam, tu gagnes une petite mention. Oui, t'as été top 1. Mais après ça, t'as rien d'autre. Fait que là, il voulait, me semble, si je me trompe pas, le cosmétique qu'il disait, il voulait peut-être faire quelque chose de plus pour ça. Pis... Ouais, non, c'est... Je trouve que quand tu as assez grindé pour être rendu top 1, tu devrais avoir plus de rewards. Ouais, tu devrais avoir comme des rewards à chaque... peut-être à chaque step, peut-être à chaque exemple... parce que, tu sais, les couleurs, là... Ouais, exemple, ça au nombre de gouttes. Ouais, peut-être aussi. Puis, je trouve qu'il devrait peut-être donner plus de d'options, tu sais, de voyons, comment je pourrais dire ça? Donner plus de choses au monde qui joue plus, là. De goodies, qu'on peut dire, là. De ouais, lore, de rewards, de chercher... Des petits cadeaux! Des petits cadeaux! Oui! Mais avec ça, j'ai envie, puis vraiment... On veut des cadeaux! Puis en plus, si vous allez voir dans la vidéo, vous allez voir, ils ont déjà un visuel. Donc, justement, quand vous allez aller sur... si vous voulez voir à quoi ça ressemble, faites le googler ou allez voir sur le site de Catless. Puis elle va sûrement mettre le lien de la vidéo, comme elle disait tout à l'heure. Il y a un endroit où est-ce que vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. Je trouve ça vraiment beau, là. C'est comme le petit menu d'attente où est-ce que tu choisis. Ouais, vous allez pouvoir voir. C'est bien fait. C'est bien dessiné. Puis je crois aussi qu'elle a introduit un personnage qui était comme le connaisseur des archives. Quelque chose du genre... c'est quelqu'un comme qui te guide à travers les archives. C'est cool. Mais je me rappelle pas du nom, malheureusement, ou de son... On a-tu une date de la sortie des archives? Non, il ne pas encore. OK. Il n'est pas supposé sortir avec en même temps que comme un chapitre comme 15 ou quelque chose du genre? Ah, attends, je vais aller voir, j'avais justement un petit lien. Je suis pas sûre, mais je pense qu'on le sait, c'est quand il va sortir. Je vais aller voir ici. Ça sera pas tout de suite, je pense que ça va être dans comme 3 ou 6 mois. New map, new chapter, new... OK. Ils disent qu'il va y avoir un new archive dans le chapitre... À moitié du chapitre 13. Ah, OK. Fait que c'est... Ça veut dire que ça va être quand même bientôt, là, dans quelques mois, là. Parce que là, ce qu'ils font, c'est qu'au chapitre 12, il y a Ghostface. 12.5, on a Freddy et la nouvelle map qui a été remasterisée. Et en plus, avec ça, le chapitre d'ensuite, le 13, t'as un nouveau chapitre, une nouvelle carte. Et à la moitié de celui-là, ensuite, c'est là que la première, le New Rift des archives apparaissent. Ah, OK. Fait que ça va être plus entre 6 et 9 mois. Avec, plus moins un petit peu. Ça... Je te dirais 4-5 mois. Ben, ils sortent pas comme un chapitre à chaque 3 mois? Ouais. Sauf que c'est avant la moitié de l'année. Un petit peu avant. Ah. Bon. Mais puis ça va être payant ou? Non, c'est inclus. C'est tout le monde qui peut l'avoir. C'est justement, ils ont posé la question, puis là, ils ont dit que tous les joueurs vont pouvoir y jouer. Donc ça, je suis bien contente. Merci. Ben oui. Non, mais ça va être vraiment plaisant parce que ça va vraiment pouvoir donner un nouveau twist à Dead by Daylight. Ça fait longtemps qu'on veut des nouveaux modes. Puis personnellement, moi, je partage l'opinion du monde qui disent qu'ils veulent des nouveaux modes pour le jeu parce que, tu sais, comme toi, Caro qui joue à ce jeu-là depuis les débuts, tu trouves pas qu'il est temps d'avoir de quoi de nouveau? Ben, honnêtement, moi, j'ai joué au début. J'ai arrêté pendant environ une couple de mois parce qu'il n'y avait rien de nouveau. Quand j'essayais de monter de niveau, admettons, là, je vais vous expliquer en bref, à chaque 13 de chaque mois, vous pouvez, dans le fond, les rangs que vous avez gagnés dans mon temps se remettaient à zéro. Maintenant, au moins, ça ne se remet pas tout à zéro. Tu perds environ 3 à 4 rangs par 13 de chaque mois et ils veulent prolonger les saisons, soit dit en passant, pas par mois et un peu plus. Fait que je trouvais que c'était redondant, mais ils ont commencé à ajouter des personnages, à ajouter des nouvelles cartes. Au début, il n'y avait pas ça, c'était tout le temps la même chose. J'avais 3 cartes, 3 personnages, puis 3 méchants. J'étais comme Mais c'est pour ça que je dis qu'avec le fait qu'ils sont en constant travail dessus, ils ajoutent un nouveau personnage, ça ajoute des nouvelles tactiques, il y a des nouvelles façons de se battre, mais de survivre. Comme dans le temps, je pouvais pas avec Jane, c'est une nouveauté qu'on puisse réussir à se défendre là, de la casse. Dans le temps, il y avait pas ça, donc ça apporte des nouvelles tactiques, puis j'adore ça. C'est ce que j'aime, il y a toujours de la nouveauté. Puis juste un petit en parenthèse, ça disait, je disais 13 et demi, mais ils ont écrit en parenthèse pour les archives que ce serait une tentative, donc ils sont pas certains, ils vont essayer. Pour ajouter l'information. Sinon, ça va être au chapitre 14.5, mais ça, c'est pas tentatif. Mais j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les archives. Ça va vraiment être intéressant. Oui. Puis ça va vraiment donner un beau nouveau souffle. Je les aime, les dailies. Fait qu'imagine ça. Oui, vraiment. Ouais. Mais les dailies sont le fun, là. Moi, je... Sauf quand tu en pognes un qui est vraiment comme plate, là, mais... Trouver un nouveau item et te sauver avec. Ouais. J'arrive jamais à les faire. Je suis pas capable de me sauver. Ben oui. Mais je vois aussi, en général, là, je remarque, là, il y a beaucoup de gens qui sont comme « Ah oh, ouais, ben je cherchais à faire le daily » ou des oui, fois dans la map, les méchants, tu vois... les tueurs. Ouais, puis là, où tu vois dans la map, mettons, d'autres joueurs, peu importe, qui font telle action, puis t'es comme « Ah, ok, ils font les daily ». Fait que, puis aussi, on avait eu un événement, tu sais, je pense à Halloween, tu sais, tu pouvais écraser des citrouilles, là. Moi, c'était mon gros fun, là. J'étais comme « Oh yeah! » Puis là, tu sais, t'écrasais des citrouilles. Fait que, tu sais, clairement, à chaque fois qu'il y a comme des trucs comme ça, c'est rien, là, tu sais, écraser des citrouilles, là. C'est pas ça qui te permettait de tripler tes points, là. Mais, tu sais, c'était rien, mais, tu sais, le monde embarquait juste parce que c'était funky, puis, tu sais, on embarquait, là. Fait ben, que, t'avais des nouveaux skills spéciaux aussi, tout dépendant combien que t'étais capable d'en avoir, là. Ah, ok, je m'étais pas rendue là. Fallait en avoir 600. Je m'étais pas rendue là. Ben, ouais. Non, honnêtement, là, moi, je pétais les citrouilles, j'ai vu absolument, ça a rien changé dans ma c'était vie. C'était ça que ça servait là, à base. Ah, ok, merveilleux. Fait que, mais c'est ça. C'est... Je te l'apprends aujourd'hui, Dada! Oui! T'as-tu encore tes points? 10 ans plus tard! mais c'est ça. Ben, je veux dire, j'ai rien fait avec. Ouais. Tu sais, je pense qu'à un certain point, tu sais, moi, clairement, j'ai du plaisir dans le jeu pour avoir du plaisir. Je pense que tu peux aussi amener ça à un autre niveau en le grindant beaucoup, beaucoup, ce qui n'est pas mon cas, là. Mais, puis aussi, une question de, on va dire, de talent, là. Peut-être que j'ai pas le meilleur talent non plus naturel, tout simplement. Moi, je pense mais, que ça se pratique, là. C'est sûr que si tu joues à 40 heures puis 500 heures, il va y avoir une différence entre les deux. Ah oui, non, c'est certain. Mais je suis pas mal certaine que moi, à 40 heures versus toi, à 40 heures, t'étais mieux, là, tu sais, t'avais peut-être une facilité, je pense. Ben non. On va te rendre à 5 ans, tu vas voir, là. Tu vas retirer ce que tu viens de dire. Ouais, OK. On va essayer. Mais c'est ça. Fait que... mais j'ai hâte de voir, parce que d'après moi, les archives, c'est mis en place comme ça. Mais tu sais, je pense qu'ils vont comme pousser ça. Tu sais, je pense que ça va pas juste s'arrêter là non plus, je veux dire, avec les années. Tu sais, je pense que dans 3 ans, Dead by Daylight va être, t'sais, pas mal différent, là. Oh, ça change. Ben... il faut dire, voilà, 3 ans, c'est encore la même chose qu'aujourd'hui, mais juste avec des surplus. Fait que, je trouve que la formule est gagnante, puis on ajoute juste du plus. Oui. Sinon aussi, en parlant de nouveautés, il avait parlé du qu'il allait retravailler Freddy, parce que comme je disais tout à l'heure, Freddy, c'est un des personnages qui est le plus faible, qu'on m'a dit, en termes de tueur. Donc, je vais me répéter pour genre la 10e fois, ils ont écouté la communauté, puis ils ont décidé de le refaire. Puis ce que je trouve bien, c'est qu'ils le refont presque au complet, puis ça va aussi affecter les survivants. Je comprends, c'est basique parce que l'habileté, etc., mais la façon de jouer, je veux dire. Comme les habiletés qu'il y avait normalement, c'est que maintenant, il y a micro-sleep. Ça veut dire que vous, dans le fond, là, vous endormez automatiquement tous ceux qui sont proches durant 60 secondes. Pendant ce temps-là, la visibilité, ce ne sera plus la même façon. Je veux dire, Freddy, en plus, là, il n'est même plus obligé de t'endormir pour t'attaquer. Donc, il va même t'attaquer au réveil. ça me freak. Mais je ne savais pas que dans le temps, Freddy nous voyait quand on était dans le mode endormi. Je n'étais même pas au courant, juste pour vous donner comme info, là. Est-ce que vous le saviez, vous? Ouais. Non. Ah, moi, je savais pas, là. J'étais comme, je me cachais, je suis comme, non, il est allé vers moi. J'ai déjà vu du gameplay de Freddy. Moi, je sais. Dans le fond, comment ça marche, c'est que, qu'est-ce que le joueur qui joue Freddy voit? Mm-hmm. C'est qu'il va voir le survivant, puis il va vraiment comme faire comme avec sa main, genre, un jet. L'endormir, oui. Pour l'endormir. Mais je veux dire... lui, il voit tout le temps tout, là. Ah, mais je savais pas que... Il voit les palettes, il voit les générateurs, il voit... ça, c'est tous les méchants, tous les tueurs. Mais je veux dire, en termes de... je savais pas que Freddy voyait les gens quand ils étaient endormis partout dans la carte. Ça, j'étais zéro au courant. Non, c'est ça, c'est vraiment comme... c'est pas parce que, genre, t'es proche de Freddy que tu t'endors. C'est vraiment lui, que lui, il te voit, puis il faut qu'il t'endorme. Parce que sinon, si Freddy fait pas l'action de t'endormir, tu vas juste entendre, en tant que survivant, tu vas juste entendre le petit enfant, genre, qui chante. Il l'aura même plus, ça non plus, hein. Ça sera plus ça. On n'entendra plus le chant, puis pas juste ça aussi. À la suite de ça, le survivant a maintenant 3 options pour se réveiller, comme d'habitude. Dans le fond, le générateur, soigner quelqu'un, saboter un crochet. Il y a aussi un survivant réveillé qui peut réveiller un autre survivant, mais maintenant, il y a un nouvel objet. Il y a un réveil matin qui va apparaître dans la carte un peu partout. Tu sais, un peu comme avec le personnage de Décadence, il y a comme des trappes pour pouvoir l'enlever, là. Oui, que tu dois peser sur espace, les tests d'habileté qui apparaissent. Mais ça va être la même chose, tu vas pouvoir maintenant te réveiller avec ça. Parce qu'une fois que tout le monde est endormi, Tu pouvais pas te réveiller entre toi, entre survivants. Puis en plus, le fait que tout est au ralenti dans le monde des rêves, c'était vraiment long des fois de te réveiller. Fait que là, ils ont ajouté ce mode-là. Ben pas ce mode-là, mais cette option-là pour les gens, pour les survivants, pour les aider. Et maintenant, en plus, avec les palettes, là, une fois que tu vas être dans le monde des rêves, voir des palettes, il va pouvoir déplacer certaines palettes. Puis ça fait penser au docteur, hein? Des palettes qu'on voit pas, là. Moi, je me suis souvent fait pogner par ça. Des fausses palettes, là. Mais il faut dire que quand on va être dans le monde réveillé, on les verra pas. On va pas voir les fausses palettes. Donc, ils nous ont donné comme truc d'essayer de se remémorer où est-ce qu'elles sont déjà. Mais là, ça va être difficile en pleine partie, là. Mais d'essayer de se remémorer pour faire en sorte au moins qu'on se trompe pas. Puis, pas juste ça. Si, admettons, t'essaies d'interagir avec une des fausses palettes, elle va t'exploser dessus en sang. On s'entend que ça va t'exploser dessus en sang? Oui! C'est original. Ouais, j'ai hâte de voir, là. Mais tu sais, ça fait monde de Freddy, il faut se le dire. Est-ce que vous avez déjà écouté ces films? Je pense que David et moi, on a écouté le premier. Ah, c'est dégueu, là. Il y a une grande bouche, puis il mange devant... Ah! Il est vraiment freak, là! Il est assez... dégueu. Ah, oui. Puis, ils ont même rajouté aussi son dernier skill, sa dernière... comment on dit ça? Sa dernière habileté. Il va pouvoir maintenant se téléporter directement au générateur. Dans le fond, ça dure 5 secondes. Puis là, à un moment donné, il y a comme un effet visuel qui fait « poum », il s'en vient vers toi. Puis je sais pas c'est quoi exactement l'effet. Mais on va voir ça, puis là, on va savoir qui s'en vient sur nous. Mais tu sais, je trouve que ça va être tellement intense, ça, s'il peut se téléporter aux palettes. C'est un peu comme quand la spirit, elle se téléporte sur nous, on le sait pas, là. Comme ben, j'imagine qu'il va avoir un cue audio pour ça. Ouais, c'est ça, j'ai dit. Ça, dans là. Le fond, on en a un effet, mais on sait pas c'est quoi encore. C'est écrit. Ben, moi, dans le fond, j'avais entendu qu'elle allait avoir un effet visuel, mais je sais pas jusqu'à quel point. Ben, ça va être intéressant quand on va le voir, je crois. Mais la téléportation, c'est tout le temps imprévu, là. T'es pas attentif une seconde, puis t'es fini. Tu dis. Puis ça nous fait crier, là. T'sais, si, exemple, t'es avec la spirit, là, puis que t'entends son petit vent là, qui arrive, là, si t'es pas attentif assez, là, ou que, exemple, nous, quand on est sur Discord, puis qu'on parle, là, je l'entends jamais, là, le cue de la spirit. Là. On le découvre juste parce qu'elle nous saute d'en face. Ouais, exactement. elle arrive, puis t'es juste en train de crier, puis t'es comme « Ah! » « Oh, je pense qu'elle est à côté de toi! » Ouais, non, c'est ça. C'est comme ça qu'on le découvre aussi. Je me souviens pas de son nom, mais il y a un meurtrier que, tu sais, qui a la cloche puis qui est invisible. Ah, c'est mon Bing Bang Boy! C'est mon Bing Bang Bang! Ben, c'est ça, tout le monde l'appelle Bing Bang, là, mais, ou Ding Dong, là, mais... tu sais, lui, ça vient... Tu sais, tu le vois... Tu sais, mettons, quand je fais une génératrice, là, je regarde tout le temps autour de moi, puis tu sais, je le vois que ça vient brouiller, là, tu sais, comme quand... Ouais, non, c'est ça, t'as un signe, un bon signe visuel, ou est-ce que, tu sais, tu vois comme... C'est transparent, mais tu vois des affaires bouger, là. Fait que je suis pas inquiète, là, qu'ils vont faire un truc avec ça, là. C'est-tu tout le tour pour Freddy? Oui, mais vous, est-ce que vous l'avez déjà joué, Freddy, en tant que tueur? Non. Freddy, j'ai jamais joué en tant que tueur, non, je l'ai pas. Je pense qu'il faut l'acheter, hein. Je pense, oui. Ouais, oui, c'est un personnage payant, je crois. Il m'avait jamais intéressé vraiment à jouer... Parce qu'on dirait que, je sais pas, il a l'air d'être compliqué. Je veux dire, faut t'endormir tes victimes. Avant, il fallait que t'endormes tes victimes, après ça, tu coupes, là, t'essaies d'aller les frapper. Tandis que maintenant, ça va vraiment changer le gameplay, là. Tu commences, puis là, il peut te frapper n'importe quand, puis t'entends plus les enfants. J'imagine que ça va être le cœur que tu vas entendre, mais... Mm-hmm. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va donner de plus, puis comment est-ce que ça va changer la game, la partie, là. Mm. Ça va être intéressant à voir... Ben, je suis pas mal certaine aussi qu'une majorité vont vouloir le jouer beaucoup pour voir le changement. Donc, on va voir une hausse de popularité pour Freddy. Fait qu'on va l'expérimenter. Il y a même des gens qui ont dit qu'ils ont plus hâte de voir les nouvelles modifications de Freddy que le nouveau personnage Ghostface, qui est soi-disant passant frisson, là, pour ceux qui... Je veux savoir en français. Oui. je sais pas si tu vas en parler un petit peu plus en détail. Ben, je peux te dire rapidement, c'est qu'est-ce qui se passe avec Ghostface. Il sort le 18 juin 2019. C'est qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a Simple Formula, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un tueur accroche son obsession, il gagne un token. Un token, c'est des points qui font en sorte que tes capacités augmentent. À chaque fois qu'il y a un token qui est amassé, son radius de terreur, ça veut dire quand t'entends son cœur, pas le cœur, mais t'entends, le cœur de l'ennemi, son radius il descend lorsqu'il pourchasse un survivant. Ça veut dire que, dans le fond, là, s'il court après, là, plus qu'il a accroché son obsession de foi, plus qu'il y a de tokens, plus que lui, il va pouvoir faire en sorte que tu l'entendras pas à côté de toi, là. Puis... Fait que quand tu l'entends, ça veut dire qu'il est comme tout... Oui, ben, tout dépendant de combien il a réussi à avoir de tokens. C'est un peu comme Myers, quand il est rendu au deuxième, okay. It one shot, tu comprends? Sauf que là, ça va être avec Ghostface. Mais je tiens à vous dire ce qui est super bien, ce que j'aime, là. Ça va être un peu un casse-tête. Quand tu commences ton jeu, vous savez, il y a toujours... Ben, toujours. Il y a un survivant qui est l'obsession du tueur. Il y a comme la petite signe autour de ton nom. Par contre, si cette obsession-là est sur un crochet... Admettons, moi, je suis l'obsession, je suis sur un crochet. Toi, Catherine, tu décides de venir me sauver. C'est toi, sa nouvelle obsession. L'obsession va bouger. Ça va faire en sorte qu'il y aura beaucoup de mouvements. Mais lui... S'il tue son obsession du moment ou qu'il la sacrifie ou peu importe, il perd tous ses tokens puis il recommence à un. Pour ça, je dis, c'est compliqué, là. Ça va être compliqué à savoir. Fait que ça va comme ça va comme les pousser à comme jouer. Oui. Dans le fond, ça va nous aider pour nos points. Moi, je pense que oui. Il y en a qui vont s'en foutre. Il y en a qui chialent déjà. Hein. Il y en a qui disent qu'il n'est pas assez fort, qu'il n'y a rien de plus. Mais ça, là, je trouve ça vraiment intéressant parce que, comme tu dis, ça va apporter le tueur à essayer de jouer avec ses victimes. Mais là, ça sonne bizarre, là! ben, c'est parce que l'objectif, tu sais, je veux dire, Ghostface, c'est ça. Oui. Tu sais, on écoute les films de frissons, c'était ça. Mm-hmm. C'est quasiment, tu dis... Puis moi, j'ai tout écouté ces films-là parce que je me disais, je le trouvais comme pas tant méchant, tu sais. Oui, OK, le résultat, il est là, il tue du monde, mais c'était quasiment comme... comique. Oui, ben, oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est cliché. Tu sais, ça met une ambiance, tu sais, dans le sens que t'es pas obligé, tu sais, l'horreur, là, c'est pas juste une description fermée, tu sais, mm-hmm. c'est plein d'affaires, puis tu sais, reste que ça peut être vraiment, vraiment divers, tu sais, ça peut être vu sur plein de formes différentes, puis je pense que ça va être intéressant, parce que moi, il y a une affaire que j'aime beaucoup qui me fait jouer à Dead by Daylight, c'est que tu sais jamais la carte que tu vas avoir, tu sais jamais le tueur. Fait qu'il y a surprise, jamais une partie qui se ressemble, puis le gameplay se ressemble pas non plus. Pas juste ça, c'est parce que toi, en plus, t'essaies de prendre des objets, genre, admettons, une flashlight, admettons, une carte, etc. Mais le tueur, lui, dans le moment d'attente, avant que la partie commence, voit tes objets. Il peut même prendre des trucs en conséquence de s'il te frappe, tu perds tes objets. Fait que vraiment, tout change. Je trouve ça vraiment intéressant. Non, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui vont jouer à des jeux, mettons, coop, compétitifs. Puis, c'est tellement, surtout, mettons, les jeux de tir à première personne, des choses comme ça, c'est tellement répétitif. Mm-hmm. Puis, le monde maîtrise tellement leur mécanique. Mm-hmm. Puis là, ils arrivent dans un jeu, mettons, comme Dead by Daylight, puis ils sont comme, Colin, c'est vraiment trop aléatoire. Plus, je suis comme, ah, non, c'est pas aléatoire, plus que c'est stratégique. Ben oui. Puis oui. En plus, avec justement, en continuant avec l'aléatoire et tout, Ghostface, il y a un autre pouvoir que, dans le fond, il est capable d'enlever le radius de terreur. Dans le fond, là, il va te stalker. Puis là, tu vas le voir, là, il se met comme sur le mur, là, puis il se crouche sur le côté. Il se tourne un peu, je sais pas comment dire, là, il se plie sur le côté. Il essaie de t'espionner. Puis là, une fois qu'il réussit à t'espionner assez, tu l'entendras pas. C'est un peu, encore une fois, je vais encore beaucoup comparer à Meyer, mais c'est la même chose. Il t'espionne pendant un certain temps, it one shot. Tandis que lui, il va t'espionner pendant un certain temps, tu l'entends plus. Fait que là, il va arriver en arrière de toi, tac, tu le sauras pas. Mais c'est parce qu'il va t'avoir assez espionné avant. Je pense que lui, là, on va crier avec lui aussi. Oh ouais, oh, on va faire des jumpscares. Puis moi, je suis vraiment contente parce que on dirait que ça me remet vraiment dans la vibe avec le, comment on dit, tu sais, avec les films. Là. Mm-hmm. C'est vraiment une vibe que je retrouve, que j'aime, fait que je suis vraiment excitée. Puis si vous voulez voir aussi, oui? Je t'ai mis le lien que, dans le fond, il y a un user de Reddit, un utilisateur de Reddit qui a réussi à prendre en note, c'est qu'il y a quelqu'un de Dead by Daylight qui, sans faire exprès sur la mise à jour d'Xbox, aurait envoyé une mise à jour qui fait en sorte que Ghostface était déjà disponible. C'est pour ça que la personne a pris des print screens, des images qui montrent les skins, les cosmétiques que Ghostface aurait. Donc, je t'ai mis le lien si jamais tu veux montrer aux personnes qui écoutent le podcast. Oui, qui veulent voir un peu. Ouais. Moi, j'aime beaucoup celui qui ressemble aux petites herbes avec les petites cornes. Ouais. Ben, il y en a un qui, on dirait que ça me rappelle un peu Mortal Kombat, là, ceux vers la fin. Ils sont beaux. Pour vrai, là, ça serait tellement cool, mais vraiment cool s'il mettait comme la face de film de peur. Oui, avec la petite face comme... Avec la petite langue, les gars, genre, what's up? Oh, ça Oh, ça serait nice! Ça serait... Là, on est dans la nostalgie, non, là! Non, mais avouer comment ça serait nice! Ouais. Mais tu viens d'ouvrir une porte. Imagine si les tueurs auraient chacun des actions qu'on pourrait ajouter. Tu sais, comme nous, on a l'action 1 qui pointe, l'action 2 qui dit « viens vers nous », mais le tueur pourrait avoir aussi des actions. Comme là, il pourrait sortir la langue! Ouais, non, c'est ça. Hey, ça serait comme des mouvements comme dans Overwatch, là. Ben oui, mais ça, tu pourrais les avoir en jouant, les pognant de temps en temps avec les niveaux, ou même les acheter, là. Genre faire des danses, là. À vous, là, tu sais. Il vient de te mettre du crochet, puis il commence à danser en avant de toi. Ben, ça fit très beaucoup avec ce personnage-là, là. Ça serait vraiment. Mais chaque personnage pourrait avoir leur propre chose. Admettons, je sais pas, le clown pourrait commencer à se manger le bout des doigts, tu sais. Non, mais tu sais. Avec Ghostface, puisqu'il peut croucher. Oh my god. Comment ça joue à ça? Il y a déjà beaucoup de monde, tu sais, puis que les survivants aussi peuvent croucher dans le jeu. Fait qu'il y a déjà beaucoup de monde qui se mettent à croucher, tout le monde ensemble, qui lève, puis qui monte, puis qui descend, là. Ça serait drôle! Tu lèves, tu descends, tu lèves, tu descends, là. Ouais, exactement. Mais contrôle! Exactement! Mais ça ferait tellement des vidéos, ça ferait du contenu vraiment, vraiment comique, là, je pense que... Oui, puis c'est déjà... Il y en a déjà plusieurs des vidéos sur Ghostface, si jamais vous vous êtes intéressé à voir de quoi son gameplay a de l'air. Puis c'est vraiment déjà très drôle, là. Ghostface, le monde dit que c'est son perk d'espionner, de stalker, n'est pas très utile en ce moment. Ouais. Qui est très facilement... facile à contrer. À contrer. Je sais pas si on va peut-être mieux découvrir avec le temps, vu que là, en ce moment, il est sur le PTB. Je sais pas, peut-être qu'avec le temps, il va être moins facile à jouer, mais... Mais comme tu dis contrer, aussi, souvent des mises à jour, hein? Ça, ils vont sûrement changer ça, d'après moi. Ouais, c'est d'après moi. Espérons. Parce que c'est le fun aussi quand il y a du challenge un peu, pauvre petit, là. Puis personne ne va vouloir jouer avec, puis à cause de ça... Non, c'est ça. Surtout que dès qu'ils le mettent sur le PTB, ça leur laisse encore du temps pour changer quelques affaires jusqu'à leur date de sortie. Mm-hmm. Fait que... Ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir, de jouer contre lui. D'après moi, ils vont l'arranger pour que, justement, son perk soit vraiment utile. Ah, c'est tellement hâte de jouer contre lui, là. Imagine-le, tu tanker, là, avec ses petits yeux au loin, là, qui tu le vois en arrière d'un arbre. Non, c'est ça, le côté. Il fait juste faire comme... sur le côté, là. Oh! Mais non, ouais. ça va être intéressant, puis j'ai vraiment hâte de pouvoir jouer contre lui. Je suis pas quelqu'un qui aime aller dans le public test build, que moi non plus. J'attends que ce soit officiel. C'est ça, j'attends qu'il sorte sur officiellement. Puis en attendant, vu que j'aime pas tant aller sur le PTB, je regarde beaucoup de vidéos sur le tueur. Fait que on va voir, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Moi aussi, puis j'espère qu'il va avoir un engouement, puis qu'il va avoir plusieurs joueurs qui vont embarquer dans la vague. J'espère qu'on va en avoir encore plus. Ouais. Mais c'est dommage, parlant de tueurs, c'est Ghostface vient d'une licence qu'ils ont acheté. Mm-hmm. Puis je trouve ça dommage que ils puissent pas avoir la licence de voyons, comment il s'appelle? Voyons, j'ai un blanc de mémoire. Lui avec le masque, Jason. Jason, je trouve ça page qu'on je trouve ça vraiment plate qu'on puisse pas qu'on n'aura jamais Jason, surtout parce que tu sais il a son propre jeu là, Friday the 13th. Mais ils sont déjà en plus en cours avec ça là. Quoi? J'ai pas compris. Sur Discord ça l'a coupé. Ils sont déjà en cours à cause de ça. Ah ok. Ouais. Parce que non c'est ça, il y a déjà des gros problèmes avec ça. Ouais. Non, c'est ça. Ben, tu sais, dans un sens, je veux dire, on a en masse de contenu, puis, tu sais, des tueurs originaux, puis des tueurs qui existent déjà, je pense que ils vont en avoir plein aussi. Non, c'est vrai, puis ils font vraiment une bonne job à créer des tueurs. Oui, c'est vrai. Ouais. Moi, je trouve que le jeu... Oui, il y a des problèmes avec le jeu, mais tu sais, quel jeu on n'a pas? Non, c'est vrai. Ils ont commencé tout petit en plus, là. C'est vrai, puis tu sais, c'est une place de Montréal, puis on aime ça parce que, tu sais, en particulier les Québécois/Canadiens, là. Mm-hmm. C'est un jeu qui vient d'ici, puis... De chez nous. C'est le fun de voir qu'un jeu de chez nous soit rendu aussi gros. Oui. Tu sais, c'est connu à l'international, là, de Bad Daylight, oui. C'est super, là. Mais, moi, je trouve ça vraiment cool. Puis, on s'entend qu'avant, je trouve que c'était pas une... Moi, je connaissais pas cette compagnie-là, là. Non, Behavior, non. Mm-hmm. Puis, ils ont une couple de jeux, by the way, là. C'est ça, je dis. Ils ont pas juste de Bad Daylight, mais c'est... C'est ça, mais c'est celui qui est mis sur la carte, je trouve. En effet. Mm. Mais c'est toujours le fun d'avoir des compagnies québécoises qui deviennent aussi grosses que ça, là. C'est... Puis même si le monde sont facilement portés à chialer contre le jeu, puis que j'imagine que vous avez vu aussi le meme, entre guillemets, du gars qui dit « Oh, we've done a pretty good job so far. » Mm. Mais ils ont fait une bonne job pour de vrai, là. Ça fait 3 ans, puis le jeu a encore beaucoup de joueurs, d'utilisateurs quotidiennement. Et, ouais. Et fait que c'est vraiment... C'est, moi, je trouve que, oui, ils font vraiment une bonne job. Ils font une bonne job à sortir du nouveau contenu. Ouais. On aimerait ça qu'il y ait des modes, des plus de façons de jouer. Mais je trouve que vraiment le jeu est super, puis que c'est vraiment intéressant comme jeu. Puis le monde qui essaye de copier le jeu, d'essayer de sortir une formule qui est très similaire. Juste là encore, je vais prendre l'exemple de Friday the 13th. Ça n'a pas duré longtemps, ce jeu-là. Là. Ça n'a pas été un franc succès. Là. Parce qu'ils ont été bloqués aussi. Ils n'ont même pas eu le droit de rien changer à cause de leur histoire en cours. Peut-être que ça l'aurait avancé, c'est aussi. Sûr, parce que je trouve que c'était différent, vu qu'il fallait que tu essaies de survivre, mais pas juste avec des génératrices. Je trouve que c'était un petit peu moins arcade. J'y ai pas joué, moi, personnellement, mais j'ai vu des gens y jouer. Et je pense que ça aurait pu aller loin s'il n'y avait pas ceux qui étaient dans, comme ces bâtons-là dans leur roue. Non, c'est sûr. Mm. C'est sûr, mais je trouve qu'il n'y a personne qui a réussi à prendre la formule Dead by Daylight. Ouais, ils n'ont pas détrôné encore. C'est ça. Puis à faire une autre bonne version, entre guillemets, là. Et je trouve que Dead by Daylight est vraiment très original dans ce qui est, là, puis avec le contenu qu'il y a. Et c'est pas réservé à, exemple, un seul tueur, c'est vraiment t'as de la diversité, puis c'est pour vraiment tout le monde. Je pense que la seule affaire que j'aimerais voir plus, c'est la diversité au niveau des survivants. Tu sais, je parle d'ethnicité, puis ce genre de choses-là. Il y en a quand même beaucoup des différents, il y en a un peu de partout. Quand même, mais tu sais, il y a quoi? Il y en a pas... Oui, il y a deux, trois Asiatiques, deux, trois personnages de couleurs de peau différentes, de chaque couleur. Je trouve que c'est pas mal et cool, moi. Pareil, mais je pense que j'aimerais ça en voir juste plus. Juste en avoir plus, hein? Ramenez-nous, là. En avoir plus, là. Exemple, tu sais, Jane, c'est la première qui est comme hispanique, tu sais, mexicaine, ce genre de choses-là. Et on n'a pas, exemple, on n'a pas quelqu'un qui est comme indien ou ce genre de choses-là. Il est quoi de bord? Voyons, Dwight. Dwight? Mm-hmm. Il n'est pas blanc? Je sais pas, hein? Dwight doit être blanc. Ça, je me demande. Je trouve que Jake a de l'air à être plus autochtone. Ah, j'ai entendu que Jake était coréen. Ah, peut-être. Je sais pas, je pourrais pas m'avancer vraiment là-dessus, mais... Parce que je sais qu'ils ont des histoires, on sait d'où ce qu'ils viennent, mais Dwight, je sais pas. Je pense que Claudette, elle vient de Montréal. C'est ça qui est cool! Claudette, elle vient de Montréal. Ouais! Mais bref, c'est peut-être juste moi, mais je trouve que la diversité est toujours bien. Mais le jeu fait quand même une bonne job à être inclusif. Mm-hmm. Mais il pourrait nous en donner plus. Tu sais, il y a quand même... Il y en a quand même de la diversité, mais je pourrais en voir plus. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'ils sont bons aussi pour maintenir le hype en mettant aussi des petites activités, des petits événements, comme Catherine disait tout à l'heure aussi à l'Halloween. Ouais. Aussi, comme tu disais, au lunaire, il y avait des skins différents. Puis ils sont bons pour ça aussi, pour toujours avoir quelque chose. Tu sais, même juste les affaires comme, exemple, quand ils font des week-ends, que c'est double de tes points. Ça, j'aime ça. De tes blood points. On aime ça, puis on joue encore plus. Tu sais, les événements qu'ils font, ils les font à des bonnes périodes, à une bonne récurrence. Je pense que c'est le terme que je cherche. Fréquence. Mais genre, j'avais comme le terme en anglais, je suis pas sûre. Mais oui, une bonne fréquence. Puis c'est des termes aussi qui sont très diversifiés aussi. Puis, pour revenir aussi à ce que tu disais tantôt, quand on disait que Behavior revenait sur la carte, il est apparu encore plus sur la carte de tout le monde. ils ont aussi créé le jeu Blood Harvest Dead Garden. Je sais pas si vous connaissez. Ben ça aussi, c'est avec Earth Behavior. Puis de plus en plus, les gens en parlent. Il y avait un week-end gratuit récemment, puis c'est en first person. Si jamais vous voulez le voir, ça semble être quand même bien. Ça, c'est spécial. J'ai pas Excuse-moi, joué. Excuse-moi, tu m'as dit que c'est comment que ça s'appelait? Je vais t'envoyer le lien. Ça s'appelle Death Garden. Je vais t'envoyer le lien. Death Garden. Dans le Dead by... Je vais l'envoyer dans le... Puis ça, c'est Behavior qui fait ça aussi. C'est leur nouveau, justement, et ça faisait un petit bout qu'ils travaillaient dessus, mais ils ont refait des trucs, ils ont rajouté des... ils ont fait des mises à jour dans le jeu. Puis c'est à la première personne, puis ça a vraiment l'air bien, là, mec. Puis, je pense que j'embarquerai moins. C'est quel genre... C'est un shooting? C'est ça, oui. Faut que le méchant tire sur les gens. Mais comme je dis, j'ai pas joué, je l'ai vu rapidement. Ah, ça a donc l'air étrange comme concept. Là, tout le monde court partout, puis faut essayer de faire en sorte que les plantes... Je sais pas trop quoi, mais c'est pour ça que je dis que je vous recommande d'aller voir. Si vous aimez Dead by Daylight, allez voir leur second qui travaille dessus. C'est une autre équipe, mais c'est par Behavior. Et c'est beaucoup de gens en ont parlé, comme je dis, parce qu'ils ont fait une mise à jour, puis c'était un free weekend. Ça veut dire que la fin de semaine était gratuite. Donc, c'est un autre que vous pouvez aimer. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'il y a certains skins, dans le fond, à un moment donné, vous pouvez voir que Meg, elle a un petit masque blanc. Vient de ce jeu-là? C'est ça. Ah, c'est donc cool! Ouais, donc il y a des petits crossovers. Super, ben ça a l'air vraiment nice. Oui. Pour vrai, je pense que ça en vaudrait la peine de le checker, surtout, tu sais, pour une gang comme nous, là. Mm-hmm. Mais pour vrai, moi, je vais checker de quoi ça a l'air. Là. Je vais checker des vidéos. Ça a l'air intéressant, par exemple. Ça a l'air c'est vraiment nice. Post-apocalyptique, un peu, je dirais, visuellement parlant, là. Ouais, c'est vraiment. Ben, je vois comme des photos sur Google. Ça a l'air nice, pareil. Puis on dirait que ça aussi, il y a plusieurs personnages différents. Tu sais, à date, à ce que je vois, il y aurait 3 tueurs, puis vous avez 5 survivants. Puis je pense qu'ils ont, encore une fois, comme Dead by Daylight, des capacités différentes. Puis ça, c'est quelque chose que je vais... que j'ai vraiment hâte de que j'aimerais ça essayer, mais j'ai peur de pas accrocher. J'ai eu des commentaires, des gens ils m'ont dit hey, va l'essayer, c'est le week-end gratuit. Puis après l'avoir essayé, ils sont quand même restés à Dead by Daylight, mais c'est un bon jeu aussi là. Ben je pense que la prochaine fois qu'il va avoir un week-end gratuit, je serais portée à l'essayer, ou à moins qu'il tombe exemple en spécial sur Steam. On se tiendrait au courant. C'est ça, on se tiendrait au courant parce que je trouve que ça en vaudrait peut-être la peine de l'essayer. Puis encore une fois. Encourager et supporter une compagnie québécoise. Fait que, mais non, c'est intéressant, je savais même pas que ce jeu-là existait, fait qu'on se tiendra au courant. Je suis pas sûre de comment ça marche, mais je pense que Catherine a mis les liens sur son site web. Oui. Peut-être de le plugger sur le site web, le jeu, là. Puis comme ça, à ce moment-là, on va pouvoir avoir les informations, puis les gens qui sont intéressés pourront l'essayer. Exactement. Oui, ben ça va être là. Puis sinon, si vous suivez les médias sociaux de Dead by Daylight, tout simplement, souvent, il y a des promos. Je sais que présentement, tu peux acheter les deux jeux en même temps. Vu que les deux jeux sont reliés un petit peu, ben tu sais, dans leurs médias sociaux, dans leurs promotions en général, ils vont les relier, là. Donc, pas mal certaine que vous allez... tout le monde va en avoir... Yep. Tout le monde va en avoir des... tu sais, genre le voir passer, là, tu sais, c'est pas un secret, là. C'est bien disponible, c'est aussi abordable comme Dead by Daylight, donc c'est sûr qu'on va mettre les infos également, là, dans le podcast. Puis, est-ce que ça faisait le tour un petit peu sur ce qu'on avait à dire pour le spécial, 3 ans? Je crois que oui, moi. Moi aussi, puis juste rapidement, juste vous donner l'information en lien avec le jeu qu'on vient de parler. Si vous êtes intéressé, il est présentement à 17,99 qui est le prix régulier. Parfait. Bon. Merveilleux. Oui. Bon. On les achète puis on les envoie à tous nos amis. Yes. Gift! OK. Ben, honnêtement, là, Steam propose cette option-là très facile, puis j'ai appris à mes dépens que c'est pas le cas de toutes les autres plateformes, mais fait que c'est vraiment intéressant de voir ça. Puis, en plus, c'est un jeu qui est tellement, tellement le fun avec des amis que ça vaut la peine, là, au moins de l'essayer, de l'essayer assez. Puis si jamais il y a un autre week-end gratuit, ça vaut vraiment la peine. C'est tellement un jeu qui est plaisant, en particulier quand tu joues avec des amis. Oui. Mais quand tu joues tout seul, personnellement, moi, si je suis pour jouer seul, j'adore essayer le tueur. C'est toujours très plaisant. Ça donne un nouveau genre look à Dead by Daylight quand tu joues l'autre bord. Mm-hmm. C'est un autre fait feeling. Exactement, puis je pense que ça. Tu l'as essayé récemment pour la première fois, Caro. Hey, je deviens tellement pas polie, là! Viens ici, toi, là! Tu te sens pas ça, là! Est-ce que tu l'as essayé, ta Catherine? Non. Pas encore? Essaye-le, peut-être que t'aimerais ça, honnêtement. Ah, ben ça dépend, là. Je me concentre sur un à la fois. si à un moment donné, ça te tente, exemple, qu'on n'est pas là, puis que ça te tente de jouer, là, et je te conseille vraiment de l'essayer, ça en vaut vraiment la peine, c'est vraiment intéressant comme côté. Ça t'aide aussi à apprendre à voir qu'est-ce qu'eux voient quand toi, tu fais des actions. C'est vrai, parce que je crois que tu as découvert il n'y a pas longtemps qu'il y avait des notifications, Caro. Je savais qu'il y en avait, mais pas jusqu'à quel point. Je pensais que ceux des oiseaux faisaient autant de bruit que quand je sautais en bas d'une colline, par exemple. Là, j'étais comme « Oh, non! » Non, c'est ça. fait que, intéressant, essayez-le, si vous pouvez, si vous voulez. Moi, je le recommande. Yep! Bon. Donc, là, c'est ce qui conclut notre hors-série sur Dead by Daylight. On espère aussi que vous avez autant d'engouement. Mais c'est parce que là, je capote, parce que c'est genre un sujet que j'adore, là. J'espère que vous avez autant aimé le jeu que nous, puis que vous avez aussi aimé notre podcast spécial avec notre invité Lost Girl. Merci de m'avoir reçu. C'est vraiment... j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment le fun. Où est-ce qu'on peut justement te rejoindre si on veut continuer à te parler? Ou te voir, ou etc., discuter avec toi? Ben, sur Instagram surtout. Instagram au Anne... pas de E ou Anne B. Bédard. J'ai changé mon username il n'y a pas longtemps. Sinon, j'ai une très forte, mais quand je dis très forte, c'est vraiment très forte, intention de recommencer à streamer quand je vais être dans mon prochain appart, parce que je vais en voir ma petite pièce privée. Fait que je vais vous tenir au courant si jamais je recommence à streamer, mais... C'est quoi ton nom sur Twitch si jamais quelqu'un veut te whisper ou te t'écrire ou... C'est LostGirl1311, tout dans un bout. Parfait. Puis je pense que t'avais Twitter aussi que tu viens de commencer, là. C'est vrai! Une chance que t'es là pour me rappeler de mes plugs, parce que ça, c'est ça que je m'en souviendrai plus. Mon Twitter, c'est The Lost Girl. Genre, The Lost Girl. T-H-E ou D-E? T-H-E, ouais. Parfait. Et toi, Catless? Ah ben moi c'est facile, ça va être lecatless.com. Sur ça, vous allez retrouver tous mes médias sociaux, puis sinon, ben partout sur... Twitter, Twitch, Instagram, ça va être Catless, donc je suis facilement retrouvable. Et toi? Sur ton site internet aussi! Gaming. Oui, mais c'est ça, le catless.com, là, qui a tout. On l'aime! Et finalement, ben moi, c'est la même chose que d'habitude, A-N-N-E-B-G-A-M-I-N-G, NB Gaming, partout, Twitter, Facebook, Instagram, si vous voulez me parler en privé sur Twitch, il n'y a aucun problème, les Whispers existent. Et c'est environ ça, puis je remercie tout le monde aujourd'hui d'avoir écouté ce podcast spécial Dead by Daylight, puis comme je disais tout à l'heure, j'espère que vous allez être aussi heureux que nous d'avoir découvert ces nouveautés-là. Puis, gênez-vous pas non plus pour nous donner des commentaires en lien. Est-ce que vous avez certaines choses que vous attendez, que vous appréhendez en lien avec Dead by Daylight ou tout simplement avec notre podcast? Gênez-vous pas. Vous pouvez aussi donner les informations, encore une fois, sur le site de catless.com. Puis, je pense qu'on est aussi... C'est quoi déjà les autres, autres endroits qu'on est? On est c'est toi d'habitude qui fais ce boulot-là. Oui, ben, c'est ça, dans le fond... Le podcast, il se retrouve pas mal sur toutes les plateformes de podcast, sauf, pour le moment, on a pris une petite pause YouTube, là, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que il y a comme un espèce de gros engouement présentement pour Spotify, qui a comme vraiment, on va dire, up sa game pour les podcasts, donc la majorité des podcasts se retrouvent sur Spotify, qui est très facilement utilisable par tout le monde et partout. Dans le sens que, tu sais, vous pouvez l'avoir, puis au pire, il va juste avoir des pubs si vous n'êtes pas abonné. Mais tu sais, c'est pas dramatique. Donc, pour ce qui est de vos podcasts préférés, puis tout ça, la majorité vont être là. Donc, on se retrouve là depuis quand même un petit bout. Quand ça a commencé à grossir ou à tout ça, on a décidé de faire le saut. Sinon, on est sur iTunes, on est sur Google, on est sur... tu sais, mettons dans votre Google Music, là, si vous êtes Android. On est également sur Balado Québec. Oui! Puis vous pouvez nous écouter également. Je sais que selon nos statistiques, il y a quand même pas mal de gens qui le font. On est écouté directement sur catless.com. Dans le fond, sur catless.com, il y a une section qui est marquée podcast. Dans le fond, Geekery entre amis, là, le podcast. Donc, quand vous allez là, vous avez accès à tous nos podcasts qui sont listés. Puis sur votre page de navigateur, vous pouvez... tu sais, il y a déjà un player, si on veut, là, puis vous cliquez, puis vous pouvez l'écouter. Puis quand même, assez surprenant, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent directement dans un navigateur comme ça. Pas juste on the go. Voilà, fait qu'on on est disponible. Puis si vous nous écoutez de là également, ben c'est là que vous avez nos liens, puis pas mal toutes les informations aussi. Puis il y a quand même une description là, qui explique nos podcasts à chaque mois, donc... Donc voilà. Fait que là, vous avez tous les détails. Là, vous n'avez pas d'excuses. Vous êtes obligé de tous écouter. on est aussi très, très contente à chaque fois qu'on a de la rétroaction, qu'on a des commentaires, puis qu'on aime ça savoir qu'est-ce que vous pensez. Si vous partagez nos avis. Fait que. Ben merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup aussi, Anne-Sau, d'avoir été là. Merci. Oui, mille fois, vous deux. C'est vraiment le fun. J'ai vraiment trippé. C'est le fun. Yeah! Merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On se dit à la prochaine. Bye-bye. Bye.